distraction. Toi qui vives sans tracas, mais pense un peu à ce pauvre Jean. Cyclone, le vent, la pluie, ah même le beau temps. Monsieur, madame, tout le temps, qui ça va manger au restaurant. Le petit peu la rester, ou sera content de gagner. Surtout s'il y a des jours où il n'a pas encore mangé. Bon, réveil la réunion. Bonjour Isa. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. On est reparti pour une nouvelle semaine, OK, ça y est. Oui, jusqu'à 8h, nous l'est avec Zod pour envoyer des messages. Par SMS, ça se passe au 06 92 70 2000. Bah oui, ce numéro qu'on a mis en place depuis le 15 août, depuis la rentrée. On est là, on est parti avec, on l'espère, une bonne semaine. J-3. Avant l'éclipse, l'événement, ça sera jeudi sur Réunion Première en radio et télévision. Et pour le moment, il est 5h sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Stéphane Henny Lorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Au lendemain de l'attaque de Requin, le choc et l'inquiétude à Boucan. Témoignage de plagiste dès le début de ce journal. Un élu saint-luzien, lui, appelle à poursuivre les efforts pour sécuriser les côtes réunionnaises. Les jours de la jeune victime de 21 ans ne seraient plus en danger. Autre témoignage poignant, celui du pompier réunionnais blessé lors d'une intervention dans le sud de la France. David Fontaine, c'est son nom, est actuellement toujours en rééducation. Sarkozy, enfin candidat à la primaire de droite. Michel Fontaine, patron des Républicains, la Réunion. Réunion réagit. Le foot, retour de la D1R et Saint-Pierre toujours intraitable. La gueule de bois à Boucan-Canotte hier, au lendemain de l'attaque de Requin qui a frappé le spot Saint-Gillois. Très peu de monde sur le sable, à peine quelques dizaines de personnes venues profiter du soleil et des plagistes inquiets en grande majorité. L'enthousiasme qui avait suivi l'installation des filets en décembre dernier est désormais bien entamé. Beaucoup ne se sentent plus vraiment en sécurité et certains pas loin même de céder à la psychose. Personnellement, moi, quand je vois y a des panneaux, bien que la mer comme ça, moi, j'ose pas aller. Moi, je viens régulièrement me baigner ici avec la protection des filets. On était serein et maintenant, du coup, on le sera plus du tout. Ça devient vraiment dramatique. Il faut relativiser aussi. C'est-à-dire qu'il y a bien plus d'accidents de moto, il y a bien plus d'accidents domestiques que d'accidents de requins. Par contre, le requin, c'est quelque chose de dramatique parce que c'est mystérieux, parce que c'est un animal. Et donc, ça frappe les esprits. Maintenant, moi, je crois qu'il faut aussi réguler. Ben, ça ne nous empêchera pas d'aller profiter du soleil, de la mer, même si on sait que la baignade est interdite. C'est la mer, quoi. C'est là où le requin vit. On empiète un peu sur son territoire. C'est un risque à prendre si on veut aller surfer ou se baigner. Des propos recueillis par Aurélie Constant. Et selon le parquet de Saint-Denis, la vie du bodyboarder attaqué ne serait plus en danger. Le jeune homme originaire de l'Étang-Salé et âgé de 21 ans a eu le bras sectionné et a également été mordu au pied par le squale. Il est la première victime d'une attaque de requin depuis un peu plus d'un an. La 19e attaque depuis 2011, dont 7, on vous le rappelle, ont été mortelles. Christophe Mulquin est conseiller municipal activité nautique à la mairie de Saint-Leu. Dès qu'il a appris la nouvelle, il a tenu à venir sur place pour apporter son soutien à la ville de Saint-Paul et à ses MNS, les maîtres nageurs sauveteurs. Pour rappel, l'un d'entre eux a été blessé alors qu'il portait secours à la victime. Selon l'élu, cette nouvelle attaque prouve que le programme de régulation des requins Cap Requin 2 doit être poursuivi. On travaille tous beaucoup pour réduire le risque requin et sortir de cette chose. Je pense pas qu'on va s'arrêter, en tous les cas c'est pas le moment. La seule chose qu'on peut dire, c'est que le risque est là et bien là, et qu'il y a encore beaucoup de gros poissons qui sont sur nos côtes ouest. Et ça veut dire qu'il faut continuer à faire l'effort de pêche avec Cap Requin 2, puisque ça fonctionne. Hein. Une fois encore, c'est pas un massacre, hein, c'est une régulation des espèces dangereuses pour l'homme à proximité de la côte, hein, qui est un féodé à la côte. Donc il faut continuer. De toute façon, vous savez, la problématique requin, la gangrène, elle a mis 15 ans à s'installer. On va pas la soigner en un an. Hein. Donc maintenant, il faut continuer les efforts, il faut rien lâcher. Christophe Mulquin, conseiller municipal activité nautique à la mairie de Saint-Leu, répondait à Mélodie Nourry. Et en parlant de pêche de requins, le dispositif post-attaque a bien été déclenché par la préfecture samedi, mais pour l'heure, aucun squale n'a été prélevé par les pêcheurs impliqués. Plus de précisions à 7h15 avec l'invité de la matinale. Philippe Dornier reçoit Sébastien Audebert, le directeur de cabinet du préfet. Ce sera également le thème de C'est dans l'actu à 12h15. Une émission intitulée aujourd'hui « Attaque de requins, un éternel recommencement ». Vous les avez peut-être aperçus au bord de la route ce week-end. Les forces de l'ordre ont multiplié les contrôles, 13 en tout entre vendredi soir et hier. Le bilan, 108 infractions ont été relevées, dont 30 dépistages d'alcoolémie, 12 véhicules immobilisés et 2 permis retirés. La justice, justement, du début aujourd'hui de la 7e session d'assises de l'année, 10 affaires seront jugées en 3 semaines, dont 8 dossiers de viol. Présentation à suivre dans notre édition de 6h. Direction le sud de la France à présent, où des incendies ont fait rage il y a 2 semaines. 4 pompiers ont été blessés dans une intervention près de Béziers. 3 grièvement brûlés sont encore hospitalisés. Le 4e est un miraculé. Il s'agit d'un réunionnais, David Fontaine. Originaire de Saint-Benoît, il vit en métropole depuis une vingtaine d'années. Brûlé à 20%, ce pompier professionnel est en rééducation près de Montpellier. Il témoigne au micro de Laura Philippon. Des fois, je me touche pour voir si c'est vraiment vrai. Donc, dans quelque chose d'énorme. Tout est parti très vite et à la fin, le feu nous a encerclés. Et du coup, il a fallu prendre une décision pour qu'on sorte de là, pour pas que dans le camion, on brûle tous. Donc, on a sauté et on a couru. J'ai senti de ma part le feu me prendre dans les jambes. Vraiment, c'était comme si c'était la course de ma vie, quoi. Donc, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses, surtout de la vie. C'est quelque chose d'assez fragile, d'assez éphémère en même temps. Donc, ne pas gâcher, quoi. Ne pas gâcher, faire tout pour continuer, parce que bon, c'est une profession que j'exerce depuis pas mal d'années et j'en suis fier et je continuerai à y exercer. David Fontaine, pompier réunionnais, blessé dans un incendie près de Béziers il y a 2 semaines. En politique, ce n'est pas une surprise, mais c'est désormais officiel. Nicolas Sarkozy fait partie des candidats à la primaire des Républicains. Et la liste officielle des candidats sera connue le 21 septembre après le dépôt des candidatures fixées au 9. Ensuite, il y aura une campagne, comme pour des élections. Et le vote aura lieu les 20 et 27 novembre prochains. 79 bureaux de vote dans les 24 communes de Lille. Alors, y a-t-il déjà un comité de soutien pour Nicolas Sarkozy? Le point avec Michel Fontaine, le président des Républicains à La Réunion, en charge de l'organisation de cette élection. De mémoire, il n'y a pas encore de comité de soutien organisé, si ce n'est à la Juppé, hein, qui a été installé. Les autres candidats n'ont pas actuellement de comité de soutien. Je crois que les choses vont se précipiter. Est-ce qu'il y a une campagne active ici entre les militants? On a l'impression que ça ne bouge pas trop finalement. Mais pas que les militants qui votent, hein. Il faut savoir que c'est une primaire ouverte et tout citoyen inscrit sur liste électorale pourra véritablement s'exprimer, voter et choisir le champion qui affrontera nos opposants, c'est-à-dire les candidats frontistes et candidats socialistes. Michel Fontaine, le président des Républicains, à la réunion au micro de Sophie Persson. En 1998, l'UNESCO décide de se souvenir des heures de l'esclavage et décide que le 23 août deviendra la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. À La Réunion, le comité ELI a consacré le week-end à la commémoration de cette journée, à la Ravina Jacques et à la Grande Chaloupe, qui a accueilli le premier lazaret. Hommage aux ancêtres, échanges, repas et cabarets ont rythmé la journée de dimanche. Parmi les intervenants, l'anthropologue Georges Tergemina revient pour nous sur la traite négrière à La Réunion. C'est toute la trame de la traite négrière. Nous croyons la connaître, nous ne la connaissons pas. Nous confondons effectivement l'esclavagisme, qui est quelque chose de totalement différent, alors que la traite négrière, c'est un commerce. C'est un commerce de gens qui s'approprient des gens de d'autres régions du monde, qui viennent le vendre à d'autres régions du monde. Dans le cas qui nous intéresse, c'est La Réunion. Ça transite, ça met la Ravina Jacques au centre. À ce moment, c'est le seul lazaret. À ce moment-là, bon, bien sûr, il va être supprimé plus tard par la Première République. Bon, c'est une partie encore obscure de notre histoire, puisque nous avions tendance à répéter ce que disent les journaux officiels à des endroits du monde, alors que nous avions une histoire propre. Georges Tergemina, anthropologue, répondait à Christelle Floricourt. Et puis avant de refermer ce journal, un mot de sport et de football avec la reprise du championnat de D1R ce week-end après 2 mois de trêve. La Saint-Pierroise garde le rythme après son succès 3-0 face au Saint-Denis FC. Match nul un partout entre la Saint-Pauloise et la Petite-Île. Défaite de la Jeanne d'Arc 3-1 face à la Saint-Louisienne. SDFA Sainte-Suzanne, 3 buts. Partout, l'heure maintenant de passer aux informations nationales et internationales avec la rédaction de France Info et notre consoeur Anne-Charlotte Costabadi. Les producteurs de lait appelés à augmenter la pression sur Lactalis aujourd'hui. Après l'échec des négociations, plusieurs syndicats agricoles annoncent une grosse mobilisation partout en France. Les actions ne sont pas encore clairement définies, mais quelques pistes lancées par la FNSEA, comme des manifestations autour de plusieurs sites du géant de l'agroalimentaire, ainsi que des opérations dans certains points de vente des produits Lactalis. Après les attentats et la polémique sur le Burkini, le ministre de l'Intérieur organise aujourd'hui une journée de consultation sur l'islam de France. Programme des rencontres avec des responsables cultuels et des parlementaires pour mettre sur pied la future Fondation pour l'Islam de France, présidée par Jean-Pierre Chevènement. Elle servira à lever des financements en France afin d'éviter un manque de transparence des fonds étrangers. Un rôle détaillé dans une interview publiée ce matin dans le journal La Croix. Bernard Cazeneuve y a également mis en garde la droite sur une loi contre le port du maillot de bain intégral. Cette loi anti-burkini serait inconstitutionnelle, inefficace et risquerait de créer d'irréparables tension. Pour Jean-Luc Mélenchon, cette polémique autour du burkini est, je cite, une farce sans nom. L'ex-patron du parti de gauche, candidat de la France insoumise, a réuni 2500 personnes dans les jardins de l'Observatoire à Toulouse pour sa rentrée politique. Pendant ce temps, François Fillon s'élance dans la bataille à 3 mois de la primaire de la droite et du centre. L'ancien Premier ministre qui faisait sa rentrée politique dans son fief sartois à Sablé-sur-Sarthe s'en est pris à l'ancien président sans jamais le nommer, avec notamment cette phrase qui imagine le général de Gaulle mis en examen. Des craintes de regain de violence post-électorale au Gabon après le passage par les urnes. Les deux candidats se disent vainqueurs avant même les résultats attendus demain. Le président sortant Ali Bongo et son principal rival Jean Ping s'accusent déjà de fraude électorale. Après un demi-siècle de conflits armés avec le gouvernement, la guérilla colombienne des FARC pose les armes définitivement. Un cessez-le-feu entre en vigueur à 7h du matin heure française après l'accord de paix historique conclu cette semaine. Prochaine étape, le désarmement des forces armées révolutionnaires de Colombie sous le contrôle des Nations Unies qui devrait commencer fin septembre. La présidente brésilienne Dilma Rousseff va devoir se défendre seule devant le Sénat aujourd'hui. C'est la dernière phase de sa procédure de destitution. Elle est accusée d'avoir maquillé les comptes publics pour favoriser sa réélection. Plusieurs forfaits pour l'équipe de France de football, les attaquants Nabil Fekir et Alexandre Lacazette ainsi que le milieu de terrain terrain, Johan Cabaisson blessé. Il devait participer normalement à un match amical contre l'Italie le 1er septembre et le Bélarus le 6 pour le début des qualifications pour le Mondial 2018. Ils sont remplacés par Ousmane Dembélé, Kevin Gamero et Geoffroy Kondogbia. Et le PSG qui a subi un revers pour la première fois de la saison pour la 3e journée de Ligue 1, donc de football, les Parisiens se sont inclinés sur la pelouse de Monaco 3-1. Victoire en revanche de Bordeaux face à Nantes 1-0. 0-0 pour la rencontre Saint-Étienne-Toulouse. 5h12 sur la première. La météo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. Le vent souffle encore en cette fin de nuit, Michael. Ça se voit même dans vos cheveux. Le vent qui dont vous avez fait les frais, malheureusement, ce week-end. Le vent de sud-est avec des fortes rafales. Seules les régions de Saint-Paul ou du Port sont à l'abri de ce vent ce matin. Puis les nuages sont toujours aussi majoritaires. Sur les côtes sud, ils remontent avec ce vent assez soutenu vers Saint-Pierre, la région de Saint-Joseph ou encore celle de Sainte-Rose, avec par moments quelques précipitations passagères. Ailleurs, le ciel est plutôt étoilé ce matin, en tout cas en cette fin de nuit. Et les températures sont fraîches, extrêmement fraîches, voire froides même. Sur le volcan, pas plus de 1 à 3 degrés, pas plus de 6 degrés à Sillaos. Et sur le littoral, par exemple, là, à 5h13, il fait 18 degrés sur le chef-lieu. La météo vous est présentée par Miedao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miedao.fr. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Bonjour la Réunion. Hello, hello. Ma petite Isa, tu vas pas très bien ce matin? Bah, je suis malade. Oui, bah, ça se voit. Oui, hein. C'est à faute de ce vent. Ça m'a soufflé dessus. Ce vent vous a forcément malheureusement grippé, quoi. C'est ça. C'est ça. Oui, alors, comme beaucoup de monde. Comme beaucoup à La Réunion. Donc, soignez-vous bien si vous êtes dans le même cas qu'Isabelle. C'est vrai qu'il y avait du soleil. Ça, il y avait du soleil. Ah oui. Enfin, pas partout. Mmh. Mais dans l'ouest et l'est, il y avait du soleil. Mais il y avait du vent. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Hein, voilà, donc aujourd'hui, pour les enfants qui vont aller à l'école, couvrez-les pensez bien. Quand même à mettre un pull, on ne sait jamais. Surtout qu'il fait frais ce matin et comme on vous le dit, il y en a beaucoup qui sont malades. Bon, on va quand même tenter de vous réveiller, comme tous les lundis, puisqu'on est reparti pour une nouvelle semaine. Mmh. Une semaine qui sera marquée par l'événement de jeudi. L'éclipse annulaire avec sur Réunion Première. Une belle certainement une belle photo à faire. J'espère, ouais. En espérant qu'il n'y ait pas trop de nuages dans le ciel pour gâcher le spectacle. C'est vrai. Alors ça, on verra la météo au fil de la semaine, on l'affinera avec vous. Pour l'instant, on prévoit des nuages quand même dans les hauts, un peu moins sur le littoral. On vous dira donc la météo de l'éclipse au fil de la semaine. Ne vous inquiétez pas, en tout cas ça sera à suivre sur radio, télévision et internet. Et je suis sûr que Prisca sera au rendez-vous elle aussi. Coucou Prisca. Hello Prisca. Coucou les amis, comment ça va ce matin? Ça va très très bien. Où est la Providence? Oui, exactement. Je viens juste d'arriver à la Providence. Alors j'étais dans le sud tout à l'heure. Donc à Saint-Pierre, il va falloir sortir les parapluies ce matin, quelques gouttes de pluie. Et puis il fait également frais. Alors je sais pas si c'est l'effet éclipse. En tout cas, le temps est vraiment bizarre puisque ce vent, il est assez étonnant. À cause. C'est-à-dire? Est-ce qu'il y a encore une légende là-dessous? Quelque chose de bizarre? Un grand matin, là. Vous aimez bien Prisca. On verra ça tout à l'heure, entre 8h et 9h, puisque vous savez, dans la Coljac, c'est spécial éclipse semaine. Et puis pour le lundi, double ration de vitamines, parce qu'il va falloir bien tenir et sortir les remèdes de grand-mère. Vous savez, pour Isa, pour ceux qui ont du mal avec le vent. Avec le vent, on a les yeux qui coulent. Il va falloir sortir les écharpes aussi pour les enfants et bien les couvrir. Mais vous êtes tout le temps en forme, parce qu'on ne sait pas comment vous faites. Elle-même, elle ne connaît pas. Oui. Quel remède vous prenez le week-end? C'est ça la question. Bon, on retiendra en tout cas qu'il y a du vent spécial en ce moment, du vent assez particulier qui souffle. Ouais. Bon, on se demande pourquoi. C'est intriguant. Prisca, à tout à l'heure. Hein. Merci Prisca. Allez, tout à bisous. L'heure. Nous, on va accueillir Juliette comme tous les jours dans la matinale. Oui. Elle est au rendez-vous. Dans un petit instant. Elle arrive pour l'horoscope. A tout de suite. Réunion Première, le son de l'océan Indien. Est-ce qu'il y a tout le monde dans la place? Réunion Première vous invite pour Enfants Zillois, un grand concert le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. 3 heures de show en live à partir de 20h avec l'Indigo, Désiré François et Cassia. Ça va, Réunion ? Gagnez vos places en jouant tout au long de la journée sur Réunion Première. Première. Allez, Michael. Oui, oui, oui, je vais encore dire bonjour c'est à Juliette. C'est votre instant plaisir, Juste avant, je voudrais dire que Prisca sera au rendez-vous à 5h45 quand même pour le marché. C'est ça, sauf si le vent l'emporte, elle se vend étonnant. Se vend intrigant. Tu m'étonnes. Juliette. Oh, bonjour As-tu passé un bon week-end? Bonjour. Je crois qu'elle s'en fiche de toi. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bon début de semaine, nous sommes lundi, nous fêtons les Sabines aujourd'hui, nous sommes le 29 août. Voici tout de suite l'horoscope de la première. Bélier, saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous, ne laissez surtout pas la chance passer. Taureau, faites attention, vous allez finir par vous épuiser à la tâche. Gémeaux, après une journée calme, on enchaîne sur une journée particulièrement agitée. Cancer, vous payez le prix fort, mais il est vrai que vous avez beaucoup donné de votre personne. Lion, votre horizon se dégage, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Vierge, vous saurez mettre du piment dans votre couple ou surprendre votre conjoint. Balance, profitez surtout de l'instant présent, sans penser au reste et tirez de plan sur la comète. Scorpion, on peut dire que vous assurez en cette journée. Sagittaire, ne vous arrêtez pas aux conventions surtout, elles seront de très mauvais guides pour vous. Capricorne, un contretemps dans vos projets pourrait modifier vos plans, mais pas de panique, l'issue sera positive. Verseau, c'est à vous de peser vos limites et de décider clairement ce que vous voulez ou pas. Poisson, on termine par vous, vous serez focalisé à 100% sur vos différents objectifs. Excellente journée à tous et à toutes. Merci Juliette, même si tu ne m'as pas dit bonjour personnellement. J'attends toujours ton bonjour personnel, hein, Juliette. Un jour message peut-être, passé. Michael, on ne sait jamais. Oui, parce qu'on ne sait jamais, effectivement. C'est ça. Disons Christophe Maé. On va à Deauville. Allez, allons-y. Parce qu'il y a le tiercé, quartier, quinté plus qui se courait. Et pour gagner, Michael, il fallait jouer le 3, le 9, le 6, le 12 et l'As. 3, 9, 6, 12 et As numéro plus gagnant le 27-80. Cet après-midi, votre quintet va se courir à Vincennes. Ce sera le prix de Mortain. Il y aura 17 partants, 2850 mètres à parcourir. Et dans la tirelire, 4 350 000 euros. Voici les pronostics du Fouineur, du GIR, partenaire Réunion Première, qui vous conseille le 15, le 14, le 11, l'As, le 13, le 16, le 10 et le 2. 15, 14, 11, As, 13, 16, 10 et 2. Concernant donc votre quintet cet après-midi à Vincennes, le prix de Mortain. Et n'oubliez pas, pour que le jeu reste un plaisir, jouons responsable. C'est l'heure du petit déjeuner, Isa. Et comme toutes les semaines, on fait quoi? Eh bien, on envoie sa photo. C'est le grand défi de Grand Matin et vous le faites sur la page Facebook de Grand Matin. Since I've had his good cosmic love gave you something gold, so you wrap it all up and take it. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, somehow. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, you're all you have to give. The unknown. Of the world, adored by the sun's rays. Well, what's left to do but to feel it all. You're alive now, to die is dust. Nothing less or something more. Something more. Ça le son de Mom, Aloha, sur Première, dans Grand Matin, et ça nous fait plaisir d'être là jusqu'à 8h avec vous. Alors continuez de poster vos petites photos de petit déjeuner, c'est possible dès maintenant, sur la page Facebook, et à la clé, vos places de cinéma pour Agent Presque Secret. Exactement, un film qui est allé voir, Reynald, l'un des gagnants de la semaine dernière, il avait posté sa petite photo de son petit déjeuner, et il est parti au cinéma avec sa femme, il a aussi posté la photo. Et son gros popcorn. Ah oui, son gros popcorn, obligé, faut pas l'oublier quand même. Hein. Ciné, dit popcorn, donc c'est sympa quand même de poster vos photos aussi de ce que vous faites ensuite grâce aux invitations. Vous voyez, ça marche, on gagne vraiment des invitations pour aller au cinéma. Bisous Reynald. Si c'est pas beau ça. Si tu c'est peux pas rejouer beau. Cette semaine Reynald. Le 29 août 1958. Qui est né Isabelle? Michael Jackson. Michael Jackson, le king of the pop. On voulait lui rendre hommage aujourd'hui. Michael qui avait quelques soucis avant sa mort. On le sait, notamment de dettes. Eh bien, il faut le dire. Mais du coup, un mal pour un bien, grâce à sa mort, entre guillemets, eh bien, les dettes sont presque épongées, Isa. Eh bien, elles sont complètement même épongées. Il faut savoir que sa mort, en fait, les chiffres sont astronomiques. Quand on regarde les chiffres, juste le lendemain de sa mort, la vente de ses albums a été multipliée par 80. Le lendemain de sa mort. Ouais. Et Thriller, l'un de ses titres phares, eh bien, a été vu sur Internet plus de 8 millions de fois en seulement 24 heures. Complètement dingue. 8 millions exemple. En 24 heures, ouais, ça ne doit simplement. Pas arriver à tout le monde, effectivement. Bah ça non, doit être sûr, assez hein. exceptionnel. Et 9 titres de Michael Jackson se sont retrouvés eh bien, directement propulsés aux 10 premières places du hit parade au lendemain de sa mort. C'est à l'époque où vous voyez le top 50, il n'y avait que du Michael Jackson. C'est quasiment voilà. dans les c'est 10 premières places. Ça. Voilà. Donc du coup, au cours de sa carrière, il aura vendu 750 millions d'albums. Et puis Thriller a bien marché aussi. Oui, un véritable carton, bah oui, forcément. Mais du coup, aujourd'hui, tout le monde reprend Thriller. Tu veux faire un carton, alors enfin, après, t'essayes, quoi. Les reprises sont bonnes ou moins bonnes? C'est ça le truc. On vous en a trouvé une moins bonne. Ah bon? Enfin, direct en tout t'annonces cas, la couleur. En tout cas, moi, je pense qu'elle est moins bonne. Vas-y, balance, enfin, à baby. Vous de nous faire votre avis. Balance. Allez. Elle essaye. Voilà. Elle a essayé comme d'autres petites jeunes femmes qui chantent dans leur chambre et qui essayent de faire des covers. Alors elle s'appelle Sabrina Valenzuela. C'est mignon. Elle est anglaise et elle accumule un millier de likes sur sa fanpage. Bon, ouais, c'est pas un phénomène. C'est un bon début. Elle s'est entourée d'Anthony W.K. Morgan. Ouais, bah ça marche pas, ça voilà. servit à rien. Un jeune homme qui s'amuse aussi à faire des reprises sur le net. Bah bon, ça n'a pas trop fonctionné pour ce titre Thriller. On vous promet d'autres reprises dans quelques secondes là, qui seront quand même bien meilleures que celles de Sabrina Valenzuela, ma chère Isa. Alors oui, on parlait de Thriller. Oui. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a une anecdote particulière sur Michael. C'était le 11 septembre 2001. Exactement, et bien il a échappé aux attentats du 11 septembre. Il avait un rendez-vous professionnel dans l'une des tours du World Trade Center. Sauf qu'il s'était couché tard la veille, il était fatigué, il a donc décommandé son rendez-vous et il a donc préféré dormir. Du coup, il a échappé aux attentats du 11 septembre. Il a été marqué d'ailleurs après par... Ça, oui, mais j'imagine, enfin, en même temps, quand vous échappez à de tels événements, on peut comprendre. Alors, je vous avais dit qu'il y avait d'autres reprises. Smooth Criminal, vous vous rappelez de Smooth Criminal? Oui. Ben, ça a été repris par un groupe de rock, Alien Ten Farm, qu'on connaît un peu mieux. Et ça donne ça, écoutez. Alors Isa l'aime pas non plus. Ça me stresse. Isa l'aime pas non plus. Ah, je suis pas fan. C'est assez rock, assez rock comme reprise de Smooth Criminal. Bon, il y en a une troisième. Deux pas très très bien. La troisième sera peut-être mieux. On va voir ça dans un instant. En tout cas, les artistes bankable, oui. Eh bien, il y en a qui plein. Rapportent. Mais surtout, après leur mort aussi, là aussi, il y en a un paquet. Exactement. Ouais. Michael Jackson, par an, il rapporte 140 millions à ses héritiers. Il faut savoir que loin derrière, on trouve Elvis Presley, le King, lui aussi, qui engrange 55 millions à peu près tous les ans. Il faut dire qu'il y a des ventes d'albums, il y a sa maison aux États-Unis, Graceland, deuxième maison privée la plus visitée des États-Unis. Oui. Et puis, on trouve aussi, par exemple, Marilyn Monroe, qui reste aujourd'hui, même après sa mort, égérie de tas de parfums célèbres. Steve McQueen, qui lui, célèbre marque de voiture également. Et aussi, on trouve Einstein. Ah, ça, c'est particulier. Pourquoi Einstein ? Alors, il rapporte 12 millions. Pourquoi ? Parce qu'il y a des photos, des t-shirts et des posters. Où il tire la langue. Voilà, où il tire la langue, par exemple. Et bien, oui. Ça rapporte chaque année 12 millions. S'il savait aujourd'hui, en revenant, qu'en tirant la langue, il touche 12 millions par an. Parce que si moi je tire la langue et que je mets ça sur un t-shirt, pas sûr que ça rapporte. Pas tout à fait pareil. Vous n'avez pas fait de bombe atomique jusqu'à maintenant. Pas encore. On ne sait pas. Elle a peut-être un laboratoire artisanal chez elle. Hein. Bon, sait-on jamais. J'espère pas quand même pour vous. Isa, quand même. Bah non. Ça serait dommage. Bon, je vous ai promis une dernière reprise. Allez, une bonne, s'il te plaît. Parce qu'on parlait de Michael. Bon, vous avez deviné qui c'est ? Cécile qui est là et Isabelle, quel groupe, de quel groupe il s'agit ? Ah bon ? Allez, on écoute. C'est Billie Jean qui a repris. Un groupe connu, ça ? C'est connu. La voix de cet homme est connue. Ah, je ne la reconnais pas. Si je vous dis Chris Martin... Ah oui, d'accord. C'est donc Coldplay qui a repris Billie Jean. C'est pas GG, hein, bon, moi je trouve. Bien, les covers n'étaient pas géniales ce matin, mais on a essayé quand même. On a essayé. Oh, Cécile n'a pas trop aimé non plus, apparemment. Non. Bon, elle sera là dans un instant pour 5h30. Ça se sera mieux quand même. Si là, c'est Musical Youth. Pass the Chi sur première. Chip on the left hand side, pass the dutch chip on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and fall. It a go done. Give me the music, make Jenna. Me jump and fall. It was a cool and lonely breezy afternoon. How does it feel when you got no food? I could feel it 'cause it was the month of June. How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got was there in swing. How does it feel when you got no food? And you could feel the chill as I seen and heard them say. How does it feel when you got no food? Pass the dutch chip on the left hand side. I said, pass the dutch chip on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump. Alors peut-être que vous n'avez jamais été cherché sur internet et que vous demandez mais qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce que ça veut dire pass the dutch cheese ? Alors on a fait des suppositions, c'est pas très bonne quand même hein, les filles. Hein, ah dire. Je sais pas, non plus je sais pas. En fait pass the dutch cheese ça veut dire fait suivre la marmite sur donc, ta gauche. Donc ce qui en soi ne veut rien dire, donc il doit y avoir un message subliminal sûrement, si tu veux. Sûrement. Bon. Là, vous irez chercher tout, voilà. Toutes les deux. Et 5h30 sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Ses jours ne sont plus en danger. Le jeune homme de 21 ans, attaqué par un requin samedi dernier à Boucan, a dû être amputé. Les autorités appellent à la vigilance et surtout au respect des interdictions de baignade. Le dispositif post-attaque a été lancé, mais aucun requin n'a été trouvé. Témoignage d'un pompier dans ce journal. Il est réunionnais, mais vit depuis 20 ans en métropole. Il a été blessé dans les violents incendies qui ont touché le sud de la métropole il y a 2 semaines. Nous l'entendrons. Un hommage ce week-end pour se souvenir de ce qu'était l'esclavage à La Réunion. L'association Comité Élie organisait un rassemblement à la Grande Chaloupe où se trouvait le premier lazaret de l'île. Reportage dans ce journal. Et puis nous parlerons sport avec du foot et du VTT descente. Restez avec nous, c'est à la fin de cette édition. Le bodyboarder attaqué par un requin samedi à Boucan canotait hors de danger. Il a été opéré, son bras droit et une partie de sa jambe droite ont dû être amputés. L'attaque a eu lieu samedi alors que la baignade et les activités nautiques étaient interdites sur le site. Les filets de protection étaient endommagés. Un trou de 2 mètres sur 3 avait été constaté lors de l'inspection quotidienne. La chasse aux requins organisée après chaque attaque a été lancée, mais aucun squale n'a été repéré. C'est la première crise de ce type pour le tout nouveau sous-préfet de Saint-Paul. Frédéric Carr, accompagné de Thierry Robert, a tenu à rencontrer les maîtres nageurs sauveteurs des différents postes de surveillance des plages de l'Ouest hier. On l'écoute. La première réaction, c'est de rappeler à l'ensemble des usagers de la mer que la mer est dangereuse. Elle est dangereuse par nature, par essence, et qu'il faut avant tout respecter et s'informer, connaître les conditions météorologiques, s'informer de la réglementation, des panneaux, des oriflammes, avant de se lancer à la mer, parce que derrière il peut y avoir aussi un effet d'engouement. Une personne qui va à l'eau alors que les conditions ne le permettent pas peut attirer d'autres personnes, et cela met aussi en difficulté, voire en danger, les maîtres nageurs sauveteurs, les sapeurs-pompiers et tous ceux qui veillent aux côtés de l'État et de l'ensemble de ses partenaires à contribuer à sécuriser au maximum l'ensemble des plages, dont les zones ex, les zones d'expérimentation, ont montré leur preuve jusqu'à présent. Frédéric Carr, le nouveau sous-préfet de Saint-Paul, répondait à Aurélie Constant. Et ce nouveau drame a éveillé les esprits, semble-t-il. Personne dans l'eau hier, notamment à l'étang Salé, d'où est originaire la victime de l'attaque. La centaine de personnes qui a passé la journée à la plage a choisi de rester sagement sur le sable, car certains ont observé des squales non loin du rivage. C'est comme ça, depuis qu'on entend souvent des attaques, on préfère rester sur la plage, là, sur le sable, même s'il y a des zones protégées et tout, non, je préfère rester là. Mais on reste au bord, on va pas aller loin, et quand il y a trop de grosses vagues, on s'en va. Enfin, on reste prudent en essayant de s'amuser quand même. Moi, ça change rien dans ma pratique, je vais dans les baignades où c'est autorisé à étang salé, je vais à l'Ermitage, je vais à Saint-Pierre. On fait plus attention et on se trempe les pieds, mais pas plus loin, parce que justement, on en a même vu aujourd'hui des requins. Donc. Ah bon? Juste ici, près du lagon, on a pu les observer à travers les vagues. Ouais, tout à l'heure, on avait un requin étouane depuis pas mal de temps, sûrement en train de chasser. Mais bon, voilà, les gars, ils sont quand même prudents, ils ne rentrent pas dans l'eau, quoi. Après, moi, ils ne changent pas ma vision. Nous, créons, nous connaît que quand la mêlée est forte, quand la mène à la houle, il ne faut pas rentrer dedans, c'est tout. Des propos recueillis par Olivier de la Richaudie. Et nous reviendrons sur cette attaque de requin avec Sébastien Audebert, le directeur de cabinet du préfet. Il sera l'invité de la matinale à 7h15 sur Réunion Première. Il répondra aux questions de Philippe Dornier. Philippe Dornier qui vous donne aussi la parole dès 12h15, les attaques de requins, un éternel recommencement. Ce sera le thème de C'est dans l'actu. En studio, Jean-François Nativel, président de l'association Océan Prévention Réunion. Jean-Bernard Galvez, porte-parole du collectif de protection des requins. Et Arnaud Jacou, psychosociologue, auteur d'un rapport sur la crise requin. Rendez-vous donc à 12h15. 5h35 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. Comme chaque été, pratiquement en métropole, d'importants incendies ont ravagé des hectares de forêt dans le sud de l'Hexagone. Il y a 2 semaines, 4 pompiers ont été blessés lors d'une intervention près de Béziers. 3 sont grièvement brûlés et encore hospitalisés. Le 4e s'en tire mieux. Il s'agit d'un Réunionnais, David Fontaine. Il est originaire de Saint-Benoît. Il vit en métropole depuis une 20aine d'années. Il a été brûlé à 20% et pour se remettre sur pied, il est en rééducation près de Montpellier. David Fontaine en est persuadé. Sa condition physique l'a sauvé dans cet accident. C'est vrai que je m'entraîne tous les jours en tant que pompier. Je sais qu'on a des risques, donc il faut avoir une excellente condition physique. Et ce qui me permet aussi de mieux gérer le stress et les souffrances physiques. Donc, du coup, on arrive à oublier ça et à optimiser son corps pour sauver, quoi. Vraiment, là, c'était se sauver au maximum. Donc, Je retournerai sur le terrain, c'est sûr, mais je ne sais pas comment. Là, pour l'instant, les blessures sont là, il faut que je les pense, il faut que je réfléchisse. Ça fait des nombreuses années que je suis pompier, que je suis aussi secouriste, donc c'est arrivé tôt, donc j'ai un père qui était infirmier, donc on est un peu baigné dans cet univers-là, donc je vais pas quitter comme ça parce qu'il m'est arrivé ça, mais au contraire, je veux en utiliser toute cette expérience, tout ce vécu pour aider à former, puisque je suis formateur aussi dans ce domaine, donc, pour moi c'est important. David Fontaine, pompier professionnel, un témoignage recueilli par Laura Philippon. De nombreux contrôles routiers ce week-end, c'était en zone police. Côté chiffres, sur 197 véhicules, 108 infractions ont été relevées, 12 voitures ont été immobilisées, 2 permis de conduire ont été retirés. Retour ce matin sur les manifestations organisées ce week-end à la Grande Chaloupe. La Ravine à Jacques a commémoré l'abolition de la traite négrière. Il s'agissait de donner un écho local à une journée internationale mise en place par l'UNESCO en 1998. Le comité ELI lutte contre l'oubli et rappelle ce qu'a été l'esclavage à La Réunion. Un reportage de Christelle Floricourt. C'est par un hommage aux ancêtres face à l'océan capricieux que la journée de mémoire a débuté. Une journée qui permet à certains de renouer avec leurs racines. La plupart du temps, on ne connaît pas son histoire. Là, aujourd'hui, nous découvrons notre racine. Nous savons à l'arrivée. On est créole, oui, mais comment est arrivé créole? Donc on a besoin de savoir nos origines, en fait. Des Réunionnais en quête de leur passé, mais aussi des militants associatifs ou des artistes comme le chanteur Tiloun, pour qui le devoir de mémoire est primordial. Quand on fait comme ça, c'est un moment de la prière, c'est un moment pour la mémoire, c'est un moment tout, quoi. C'est un moment à mettre en communion avec le premier lieu de la Mère du Monde, là. Est-ce que nous pourrons nous compte? Et pour se souvenir des heures sombres de l'histoire de la Réunion, rendre hommage aux esclaves, la Ravine à Jacques n'a pas été choisie au hasard. Ivrain Rosalie, président du comité ELI. Oui, ben maintenant, il arrive ici. C'est le premier lazaret à la Ravine à Jacques. Hein. Mais maintenant, il arrive là en quarantaine parce qu'avec toute la maladie, la choléra, tout y arrive. La lèpre, c'est un lieu d'isolement, lazaret. Le premier lazaret de Lille, un lieu où le comité ELI a décidé de se souvenir. Là-bas, l'association a aussi érigé 3 stèles en hommage à 3 hommes engagés. François Saint-Omer, Dédé Lansor et Sudel Fuma. Hier soir, la commémoration s'est achevée avec un grand cabaret. Du sport avec du football, fini la trêve, elle a duré 2 mois. Le championnat de D1R a repris ce week-end avec la 9e journée. Parmi les résultats à retenir, le nul de la Saint-Pauloise face à Petite-Île, 1-1. La Saint-Louisienne a surpris la Jeanne d'Arc et s'impose 3-1. Au stade Michel-Volney, Saint-Pierre s'est ressaisi. La JSSP a balayé hier le Saint-Denis FC 3-0. Réaction sur ce dernier match dans notre édition de 6h. En VTT, la 6e manche de descente a réuni hier une centaine de pilotes sur la piste de la Ravine des Sables. Une piste déjà utilisée au mois de juin pour l'épreuve du championnat. C'est Alexis Delassus qui signe le meilleur temps. Son chrono, 2 minutes 52-21 pour une descente de 2,5 km. À moins de 2 secondes, on retrouve le leader du classement provisoire, Jean-Max Lorestan, qui comme tous les pilotes a dû composer avec les énormes rafales de vent qui ont balayé le parcours. Dès le départ, grosse rafale de vent sur les 2 premiers sauts. Du coup, ça déstabilise, pas forcément une bonne relance. Et après, sur les autres sauts, ça ne met pas en confiance. Du coup, on est un peu dans la retenue. Et quand on roule dans la retenue, ben voilà, on essaie d'accélérer sur la fin quand on voit qu'il n'y a pas de vent. Mais voilà, le retard est déjà fait et puis c'est fini, quoi. Je suis content de ma 2e place parce que je reste quand même au cumul de points en tête de la coupe. Et il manque encore une manche. Je peux rester à la maison et pas faire la manche, je suis toujours en tête. Je suis bien content de ça. Et non, mais je serai quand même là. Pour rendre coude avec David notamment, parce que ça fait longtemps qu'on joue à chasse-patate ensemble, tous les deux. Et là, il est passé devant et je suis content pour lui, parce que c'est vraiment une belle performance. Jean-Max Lorestan, interrogé par Olivier de la Richaudie. Merci Cécile, à tout à l'heure. Autour de la fois 6h40 sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Mickaël, de la pluie dans le sud, du vent et en plus il fait froid. Ah oui, 2 degrés seulement à la plaine des Cafres et au volcan. Donc même ceux qui vont se lever ce matin sur la plaine des Cafres auront droit à des petites températures. Hein, 1 degré seulement du côté du Maïdo, 6 à Petite France. Et puis sur le littoral, bah, c'est plus doux, mais enfin c'est frais quand même. Hein, 17 à peine à Saint-Gilles, tout comme de l'autre côté à Piton-Sainte-Rose. En plus, le vent accentue la sensation de fraîcheur. Déjà 60 km/h ce matin de rafale sur Saint-Pierre et 50. 30 sur Saint-Denis et il pleut dans le sud. Bah oui, alors allez. Allez, un petit cocktail en plus, un petit ingrédient cocktail supplémentaire avec de la pluie dans Cilaos, sur la Saint-Louis, Saint-Pierre ou encore la région du volcan et les hauteurs de Saint-Joseph, partout ailleurs, ciel plus ou moins dégagé, mais de la fraîcheur qui va donc persister en début de matinée. Puis ensuite, le soleil devrait faire son apparition, au moins sur la moitié nord. Sur la moitié sud, ça sera un petit peu plus compliqué tout de même. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Lorette. T'es nous. Bah oui, et on est là, même bah oui. Malgré le froid. Malgré la grippe, d'Isa. Même si on est malade. Oui, on est malade. Ça s'entend, oui, pour Isa. Moi, ça va encore, mais j'ai l'impression que c'est en train de venir. C'est en train de venir. Ça gâte, hein. Ouais. Bon, enfin bref, en tout cas, on va essayer quand même d'être là toute la semaine et de résister, puisque c'est une semaine importante, avec notamment cet événement de jeudi et l'éclipse. Avant 6h, on vous fait gagner quoi ? Eh bien, vos invitations pour assister à ce grand concert. Enfants Illois, Désiré François, le groupe Cassia, l'Indigo. Tout le monde réuni sur la même scène. Ça va se passer avant 6h au 02 62 99 2000 avec notre DJ fou qui sera là. Magnifique. Bien en forme, même le lundi, dis donc. Ça commence par contre, jamais malade. Hein. Oui, lui, il a rien. Jamais. Il a rien du tout. En même temps, il ne travaille pas beaucoup non plus. Hein, donc, bon. Il fait un vieux mix le matin, c'est ça même. Le vieux mix, vous attendrez avant 6h et vous repartirez avec vos deux invitations pour ce concert événement. Et puis juste avant, on ira voir Prisca à 5h45 sur le marché de la Providence. Voilà, d'un bazar plutôt de proximité. Bazar. N'a point aujourd'hui marché. Eh ben oui, c'est l'un donc c'est les bazars. Ajega. L'histoire d'une vie, la même que tes parents te racontaient quand t'étais petit, celle avec laquelle tu pensais grandir. La vie rêvée te fait souffrir. Tu changes de chaîne, ça te fait de la peine. Devant l'écran veille, t'es plus le même. Tu cherches un endroit pour pouvoir t'enfuir. Les promesses tenues restent à écrire. Ma jeunesse n'a plus les mots. Ma jeunesse se sent de trop. Ma jeunesse, à bientôt. Ma jeunesse. Ma jeunesse n'a plus les mots. Ma jeunesse se sent de trop. Ma jeunesse, à bientôt. Ma jeunesse. J'ai peur de m'aventurer dans la rue tard le soir. Vers minuit, ma jeunesse embrume l'esprit et s'évade dans un monde loin d'aujourd'hui. Elle s'endort pas dans les bras de Morphée, se réveille entre lettres de motive et CV. Ma jeunesse, tu parles, elle est pas dorée. Elle est pas assez bien pour exister. Ma jeunesse n'a plus les mots. Ma jeunesse se sent de trop. Ma jeunesse, à bientôt. Ma jeunesse. Ajeya, ma jeunesse, et donc on ne file pas sur le marché, mais sur le bazar. Dans le bazar. Dans le secteur de la Providence avec Prisca dans un instant. Restez là. Attention, à compter du jeudi 1er septembre, la Civis change ses modalités de collecte. Les jours et les fréquences de collecte évoluent. Pour vous accompagner, la Civis distribue actuellement un nouveau calendrier de collecte. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.plusbellelaville.re ou appelez le numéro vert au 0800 501 501. Le changement de collecte, n'oubliez pas, c'est à partir du 1er septembre. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitez-en pour avoir les bons gestes. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne. plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Et on file à la Providence avec Prisca tout de suite. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Prisca qui est en compagnie de Fred. Oui, Fred va nous présenter son équipe. Bonjour Fred. Bonjour à tous. Bonjour Fred. Coucou Fred. La radio. Présentez-nous votre équipe ce matin. La team, la team moi, Fred. Moi, c'est Eric, Samuel et Fabien de l'autre côté au fond. Fabien, il fait quoi? Il range les carottes? Non, Fabien est en train de nettoyer songe. On fait une bonne confiture pour les clients rentrés aujourd'hui s'il a besoin de songe. Voilà. Et puis le maniaque aussi, mais je crois qu'il est en train de mettre sur le rayon aussi. Avec les gingembre pour faire un poisson gingembre. Non, mais ça, ça y est, vous nous donnez déjà des suggestions de menus pour ce midi, merci. Ouais, bah de rien. Bon, allez, sortez les recettes de tisane longtemps, puisqu'on va faire l'inventaire des condiments et des tisanes à utiliser pour vos remèdes à base de plantes. Mmh. Puisque ça Fred a juste en face, oula, montre-moi un paquet de mélisse. La mélisse, qu'est-ce qu'il fait avec ça, avec la mélisse, là? Ben, la mélisse, il y a des gens qui font chercher et puis mettre à figer dans l'eau pour boire. Mais exactement à quoi que le patron, apparemment, il dit qu'il dort bien le soir. Ça, c'est l'yapana, ça. L'yapana. Ben ça, c'est le bon le soir, pour tirer un peu le gaz avant, quand j'ai fini de manger, un petit verre de tisane, et puis avant de dormir. Ouais, vu comme ça, oui. Tu as le gaz dans le ventre. Tout réjoui. Et ça, c'est quoi? C'est de la marjolaine? Ça, c'est de la marjolaine. Ça, vous faites la tisane, ou bien vous faites des repas avec des recettes. Tout ça, c'est frais, hein. Bien sûr, c'est vendu en paquet. Et là, juste à côté, vous avez le... Comment ça s'appelle? Basilic pourpre. Oui, voilà. C'est la couleur hein, qui change. On utilise ça pour les petits plats. Et juste derrière, ou là, parle-moi du basilic thaï. Oui, c'est ça, le basilic thaï. Donc là, les fleurs sont de couleur pourpre, oui. Pour faire la différence avec le basilic traditionnel. Voilà. Et les feuilles sont vertes. Vertes comme le basilic traditionnel aussi. Mm-hmm. Ouais, ouais, c'est ça. Et bien sûr, vous avez le basilic traditionnel pour les pestos, pour ceux qui adorent. Et là, c'est quoi ça? Bon, ben, celle-là, c'est pour ça que les vraiment malades, il a vraiment mal de tête. Ah, voilà. Isabelle avec Michael. C'est, voilà, c'est important, ça. Allez, on écoute. Un ancien pour le doliprane. Mm-hmm. Ben, nous, ici, en magasin, nous vendons le fruit. Doliprane. En fait, c'est une plante qui s'appelle le doliprane. Mm. Tu connais, ça a fini de vue, ça? Oui. Okay. C'est incroyable. Sauf que c'est une plante, donc c'est mieux. Tout à fait. Et quand on touche, ça a vraiment une odeur assez forte. Oui, c'est vrai, en plus c'est l'autre des médicaments vraiment. Hein. Comment est-ce qu'on utilise ça, frère? Malheureusement qu'on va utiliser, mais je pense que vous devez faire boire 3 feuilles dans un petit castrol et laisser refroidir et voir. Fred, il vaut mieux quand même que vous l'utilisiez avant quand même, hein, juste pour savoir. Ah bah oui, il vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Ça c'est la devise. Merci Fred. Alors rendez-vous tout à l'heure, les amis, nous parlerons du navet rond. Que vous connaissez navet le rond. Navet long, rond. Mais pas le navet rond. Rond, bah le navet rond. Ah bah non. Rond, petit patapon, oui, c'est ça. Ah bon à tout à l'heure, Prisca. Bah, écoutez, vous nous étonnez chaque là. Matin. Hein. Le Navéron, à la découverte du Navéron à 6h20, tout à l'heure. À tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et avant de découvrir le Navéron, on va jouer. Ah bah oui, maintenant. C'est l'heure. Et on joue à quoi? On joue au mixeur, comme chaque matin. Et le nous, vieux mix. On ne mixe pas des fruits, des légumes ou des fruits. Non, c'est DJ Fou qui mixe des titres de France, de Navarre, de La Réunion, de l'Outre-mer, du de monde, toute la planète. Du monde entier. Ma chère Isa, il n'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas en forme non plus, DJ Fou, là. Les maf. Hein, toutes les maf. Ouais, un peu, hein. Ouais. Un peu comme vous, hein. J'ai l'impression. Bon, c'est DJ ça. Fou, j'espère que tu nous as bien mixé des titres. Bah oui, parce aujourd'hui que c'est vous, lundi. Hein. Vous qui êtes à la maison, mm-hmm. Eh bien, vous découvrez maintenant soit le titre, soit l'artiste, et vous repartez avec vos deux invitations pour ce concert-événement avec Réunion Première. Exactement, ça va se passer le 7 octobre. Petit stade de Lez, Enfants Illois, Cassia, Lindigo. 3 heures de concert et de spectacle. Pour vous, au 02 62 99 2000. Appelez, mesdames, messieurs, voici le mix du jour. Bon, ça c'était facile, on en a parlé tout à l'heure en plus. Le King of the Pop. Et puis un ces deux-là local. Nous ont bercé l'an dernier. Le titre ou l'artiste, hein, c'est tout ce qu'on veut. Ah bah c'est facile. Allez, à vous de nous dire tout ça. On fait quoi si on a trouvé? Eh ben on appelle le 0262 99 2000. Mm-hmm. Et vous savez ce qu'on va faire? Non. Eh ben on va filer au standard. Tiens, ah bah allons-y donc. Alors. Qui filons au standard. Bonjour, bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour. On dit bonjour à qui au bout du fil? Laurence. Laurence, excellent. Laurence. Laurence de quel côté? Du tampon. Eh bien Laurence du tampon, vous avez fait quoi d'autre week-end? Rien spécial. Il a fait froid aussi au tampon? Oui, il a fait froid. Oui, personne n'est malade chez vous? Tout le monde va bien? Non, en forme. Ah bah c'est va. Bien, pourvu que ça dure. Hein. Oui. Courez tout le monde. Ouais. Hein. N'allez pas jeter le mal sur cette famille, ma chère Isa. Mais non, on l'a dit, il vaut mieux prévenir. Ouais, que guérir. Ben oui, c'est vrai, c'est important. Laurence, oui. Qui était le premier artiste que l'on vous a passé à l'instant? Michael Jackson. Mm-hmm. Avec quel titre, vous vous rappelez ou pas? Non, je ne l'ai pas en tête là pour le moment. C'était Black Noir or et White. Blanc, Black or White. Oh, oui, d'accord. Et puis le deuxième, Laurence? Emmanuel Ibarra. Avec Daisy. Mm-hmm. Et le titre, vous rappelez ou pas? Non, je ne l'ai pas non plus. C'était Caf Métissé. Mais comme on a dit que c'était soit le titre, oui, soit l'artiste, on va dire que c'est gagné. Bravo, merci. Bravo, ma chère Laurence. C'est donc les deux places de concert pour vous. Exactement. Voilà. Vous repartez merci. Donc avec ces invitations pour aller voir ce concert exceptionnel Enfants Illois. Ça va se passer le 7 octobre prochain au Petit Stade de l'Est. Désiré François, Cassia, Lindigo, l'ambiance et Laurence. Waouh, wow, génial. Ah, ça lui fait plaisir, oui. Laurence. Avec qui on va aller au concert, Laurence? Avec ma fille. C'est bien. Bah voilà, votre fille qui s'appelle Léane. Eh ben, on lui fait de gros bisous, bah, Léane, oui. Et on vous souhaite une très bonne soirée là-bas. Vous êtes les premières à avoir les places quasiment. Les premières gagnantes de la semaine. Eh oui. Ouais, c'est super. Bisous Laurent. Bonne journée. Merci. Allez. Bon réveil à vous. Au revoir. Première. 5h52, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Réunion première vous fait part du décès de Monsieur Belin Michael. Monsieur Belin Michael, le décès est survenu samedi à l'âge de 83 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile, si salé de la fabrique à Piton-Saint-Leu. Aujourd'hui, la bénédiction aura lieu en l'église de Piton-Saint-Leu, suivie de l'inhumation cimetière de Piton-Saint-Leu. L'heure sera précisée ultérieurement. Décès de Monsieur Santabodia Alix Joseph. Monsieur Santabodia Alix Joseph, ancien arbitre professionnel. Le décès est survenu dimanche à l'âge de 69 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire de Prima. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Kabidi Joseph Maxime. Monsieur Kabidi Joseph Maxime, le décès est survenu samedi à l'âge de 83 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 11 rue Amiral Courbet, Aujac, à Saint-Joseph. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Mamosa Christophe Yves Daniel. Monsieur Mamosa Christophe Yves Daniel, retraité de la Poste. Le décès est survenu vendredi à l'âge de 74 ans. Le convoi mortuaire sortira du centre funéraire sud, ligne Paradis. L'inhumation aura lieu au cimetière de Sainte-Rose. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Cortez Jean Jacqui. Monsieur Cortez Jean Jacqui, le décès est survenu samedi à l'âge de 54 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 225 chemin Bonne Volonté à Cambuston à Saint-André. La date et l'heure des obsèques seront communiquées ultérieurement. Réunion première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Mickaël, quelques infos pratiques pour ce lundi. Oui, avec une coupure d'électricité pour travaux qui est prévue sur plusieurs communes. En ce lundi 29 août, celle de l'étang salé de 8h à 14h30 sur le sentier des Grenadines. Au tampon de 8h45 à 15h sur la route du Géranium, mais cette fois-ci en partie. En partie aussi au port de 9h30 à midi, allée Gérard de Nerval, José de Marti et Pablo Neruda. À Saint-Joseph, en partie la rue Raphaël Babé de 9h à midi. À Saint-Leu, il en est de même, de 7h45 à 15h, ruelle des Hattes, rue des Cocotiers en partie, tout comme la rue de l'Océan Indien, la rue Général de Gaulle, l'impasse des Hibiscus, la route nationale 1 et la rue Georges Pompidou. À Saint-Louis, de 8h à 14h30, impasse des Antacs, chemin des Jasmins en partie, tout comme la rue Monseigneur Beaumont, du Père Laporte, Gonod, des plantes, du père de la porte, pente des vacois, impasse des jasmins, rue Pierre Payette, allée des fruits délicieux, chemin des cocos en partie, rue des orchidées, du préau, impasse des bambous, Théophane Fontaine, des allées des orangers, chemin des grenadilles, concombres et des margoses, à Sainte-Marie, de 9h30 à 16h, ruelle des bananiers, rue Routier-Grandval et ruelle des figues. Et puis, n'oubliez pas aussi que mercredi, la distribution en eau sera interrompue à partir de 8h sur la commune du Tampon, rue Paul Hermann, Général de Gaulle, Jules Ferry, chemin Ravine Blanche, rue Le Juge, de la Roseraie, des Frères Lumière, Roland-Garros, partie basse, cité Badamier et Kervegen, et les voies adjacentes. La remise en eau se fera des achèvements des travaux et l'évolution de ces informations. Vous pouvez la suivre sur le www.sudeo.fr. Bon, là, il me faudrait un truc pour être en super forme, tu vois. En super forme. Ouais, un titre qui dépote. On vous réveille vraiment. Réveille, peut-être que vous êtes justement au pied du lit en ce moment, en train de prendre le petit déj, déjà ah sur ben la route. Voilà. Eh ben, on a. Ça, c'est bon. Ce qu'il faut pour vous. Maintenant, ah, avant 6h, et le journal de Stéphane et Nilorac. Voici Volte-Face. If I say. Yes. Sur première. Say. Yes. Eh ben voilà, là c'est un vrai yes. Volte-Face, yes. Vous êtes bien dans Grand Matin, on se réveille ensemble. Et puis on vous rappelle, hein, grand défi, comme tous les matins, du lundi au vendredi, de Grand Matin. Merci à Daisy, à Nénès ou encore à Rénal qui a posté ses photos avec ses tartines beurrées. Exactement, et si vous aussi vous prenez le petit déj, vous faites pareil, une photo sur Facebook et vous repartez avec vos invitations pour aller au cinéma avant 8h. 6h sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Stéphane et Nilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. À la une encore ce matin, les suites de l'attaque de requins samedi à Boucan-Canotte. La jeune victime de 21 ans serait désormais hors de danger. Le dispositif post-attaque est toujours en vigueur, même si, vous l'entendrez, les conditions en mer hier restaient très compliquées. Témoignage également dès le début de ce journal d'une mère et de ses fils présents au moment du drame. Pas moins de 8 affaires de viol sur 10 jugées à partir d'aujourd'hui à la cour d'assises de Saint-Denis. Présentation de ces 3 semaines marathon avec Nadine Bachelot. Le retour du championnat de football de D1R après 2 mois de trêve. On prend les mêmes et on recommence. La Saint-Pierroise, leader intraitable, toujours suivi de l'Excelsior et de la Sainte-Marienne. On n'y pensait presque plus, mais le drame de ce week-end montre bien que la problématique requin est toujours bien réelle à La Réunion. Samedi vers 17h, un amateur de bodyboard a été happé par un squale à Boucan-Canotte. Grièvement blessé à un bras et une jambe, la victime, originaire de l'étang Salé, a reçu les premiers soins sur place avant d'être élitreuillé vers le CHU Félix Guyon à Saint-Denis. Selon les dernières informations, la vie du jeune homme de 21 ans ne serait désormais plus en danger. L'accident est survenu à l'intérieur de l'espace sécurisé par les filets, mais la baignade était interdite car les filets justement ont été abîmés par la forte houle de la veille. Samedi, c'était donc le premier jour du week-end. De nombreux badauds étaient présents, notamment des familles. Mélodie Nourry a rencontré une mère et ses fils sur place. Écoutez son reportage. Le jour de l'attaque, Céline et ses deux fils étaient comme beaucoup venus passer un bon moment à la plage. Mais la sortie familiale a pris une autre tournure, réveillant les craintes de la maman. Ça fait remonter plein de souvenirs. C'est clair que tout de suite, on repense à Elio, à Mathieu, Elio le dernier. Elio, c'est ce jeune espoir du surf réunionnais, victime d'une attaque de requin en avril 2015. Il avait tout juste 13 ans. Vu les circonstances de ce nouvel accident, Céline ne peut pas s'empêcher de penser à sa progéniture. C'était visiblement drapeau rouge. Donc moi, en tant que parent, quand c'est drapeau rouge, j'interdis à mes enfants de se mettre à l'eau. Mais après, c'est vrai que quand il y a les filets, je comprends que les gens aient toujours envie quand même de se mettre à l'eau et de braver l'interdit, mais bon, c'est un risque que moi j'interdis à mes enfants. Et Céline doit faire d'autant plus preuve de vigilance car Martin, son fils de 13 ans, fait du surf depuis qu'il est tout petit. Sur les faits, l'adolescent est très lucide. Les MNS, ils ont fait leur boulot en quelque sorte et le gars, pour moi, il y a assez risque et péril, mais c'est quand même super triste qu'il se soit fait attaquer, un peu comme tous les autres. Malgré tout, mère et fils assurent qu'ils ne vont pas pour autant délaisser la mer. À partir du moment où la baignade est autorisée, c'est que ça a été vérifié et donc je ne vais pas m'empêcher d'aller à l'eau. Tant que les filets ils sont vérifiés, je sais qu'il peut y avoir des soupçons comme quoi le requin il peut quand même passer des fois. Enfin, je vais quand même y retourner, comme la plupart des personnes. Un reportage signé Mélodie Nourry. Et dès samedi soir, la préfecture de La Réunion a déclenché le dispositif post-attaque, un dispositif destiné à réaliser des pêches ciblées de squales dans la zone ouest et peut-être même dans la zone protégée de Boucan-Canotte, car le requin à l'origine de l'attaque pourrait encore s'y trouver. Les détails de l'opération avec Ludovic Courtois, le secrétaire général du comité régional des pêches maritimes. Les conditions de mer sont extrêmement compliquées. Elles ne nous permettent pas d'accéder à la zone de baignade, donc la zone sécurisée avec des filets. Les pêcheurs sont plutôt intervenus à l'extérieur de cette zone en mettant des engins à pâter. L'opération post-attaque va durer 72 heures. Nous espérons bien, lorsque la houle sera retombée, pouvoir accéder à cette zone. Le requin, il est rentré par le trou. Il n'est pas certain qu'il ait pu retrouver forcément la sortie et donc il nous faudra bien évidemment baliser l'ensemble de la zone pour s'assurer que le requin n'y est plus. Ludovic Courtois, secrétaire général du comité régional des pêches maritimes, interrogé par Émilie Debalman. Et on fera le point sur ce dispositif sur Réunion Première avec l'invité de la matinale. Dès 7h15, le directeur de cabinet du préfet sera interviewé par Philippe Dornier. Et notre journaliste que l'on retrouvera ce midi avec un C'est dans l'actu, bien évidemment, consacré à cette 19e attaque de requins depuis 2011, avec notamment cette question, est-ce un éternel recommencement ? 197 véhicules contrôlés et 108 infractions relevées. C'est le bilan de plusieurs contrôles routiers menés ce week-end dans toute l'île. 30 conducteurs étaient sous l'emprise de l'alcool, dont 4 présentaient des taux délictuels. Dans la nuit de vendredi à samedi, un contrôle anti-pouce a permis de relever 2 délits et de dresser 30 contraventions. La justice débute ce lundi d'une session marathon aux assises. 10 affaires, dont 8 dossiers concernent des viols, seront jugées en 3 semaines. À commencer par cette affaire dans laquelle un homme d'une trentaine d'années comparé pendant 2 jours pour le viol de sa femme, mais aussi de sa petite fille et de sa nièce. Présentation Nadine Bachelot. C'était en 2014, à l'étang Salé. Ce père de famille aurait abusé de sa femme à plusieurs reprises, alors qu'elle dormait sous l'effet des médicaments. Des faits qui auraient amené des révélations sur des attouchements sexuels sur la nièce et sur sa propre fille de 4 ans. L'accusé réfute complètement ces accusations. Le deuxième dossier qui va attirer notre attention la semaine prochaine est celui d'un viol sur une fillette de 11 ans par un quinquagénaire. L'homme qui hébergeait la victime et sa mère aurait séquestré l'enfant tout un week-end pour commettre son forfait. La cour devra ensuite examiner un dossier qui revient en appel. L'homme a été acquitté l'année dernière pour viol, mais condamné à 3 ans d'emprisonnement pour les agressions sexuelles sur sa belle-fille alors qu'elle n'avait que 13 ans. C'est le parquet qui a décidé de faire appel du verdict. La session se terminera par une affaire de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En l'occurrence, la victime étant le père du mis en cause. Jean-Alex devra également s'expliquer sur les violences aggravées sur sa belle-mère et un ami de la famille. Nadine Bachelot. Le football, après 2 mois de trêve, le championnat de D1R a repris ses droits ce week-end. Parmi les résultats à retenir de cette 9e journée, le succès de l'Excelsior sur les Marsouins 1-0, celui de la Sainte-Marienne 2-0 sur le terrain de la JS Piton-Saint-Leu. La Saint-Louisienne s'impose 3-1 à domicile face à la Jeanne d'Arc. À Michel Volney, le rouleau compresseur Saint-Pierrois a quant à lui repris son rythme de croisière. Après s'être fait peur la semaine dernière en coupe, la JSSP n'a cette fois-ci pas fait de détails et a balayé le Saint-Denis FC 3-0. Et c'est le capitaine Quentin Bouesseau qui a ouvert le score dès la 9e minute de jeu. On savait que Saint-Denis c'était vraiment une bonne équipe avec des bons joueurs. Ils ont tous connu la D1 de toute façon, même si c'était impromu. Donc il fallait être très attentif à ce match-là, tout donner pour que ça soit un match assez serré, quoi. Donc on a su répondre présent d'entrée de match, quoi. On a su être efficace quand il fallait l'être. Et en deuxième mi-temps, on a enfoncé le clou. C'est ce qu'on avait à cœur, parce que bon, à 1-0, on n'est jamais à l'abri d'une erreur ou en plus il y a un peu de vent. Des fois, le football, ça se joue sur des détails, quoi. Mais on a enfoncé le clou et puis après, bon, vu la qualité qu'il y a dans cette équipe, l'état d'esprit, si vraiment on tient comme ça jusqu'au bout, on peut faire quelque chose. Mais la saison est encore longue. J'ai toujours dit que l'ennemi, c'était nous-mêmes. Donc après, à nous de faire la différence. Quentin Bouesseau, capitaine de la JSSP, au micro d'Olivier de la Richaudie. Au classement, la Saint-Pierroise conserve bien entendu la tête devant l'Excelsior et l'USSM. La Capricorne et Piton Saint-Leu sont bons derniers. En cyclisme, 5e manche de la Coupe régionale de VTT descente hier sur la piste de la Ravine des Sables à Saint-Leu. 71 engagés au départ et victoire à l'arrivée de David Delassue devant Jean-Max Lorestan. Vélo toujours avec la dernière étape hier du Tour de l'île de Maurice. Jean-Denis Armand termine premier réunionnais avec une 6e place au classement général. C'est la fin de cette édition. Place désormais aux principaux titres de l'actualité nationale et internationale avec Anne-Charlotte Costabadi de la rédaction de France Info. Les producteurs de lait appelaient à une mobilisation massive en France aujourd'hui pour mettre la pression sur Lactalis. Après l'échec des négociations sur le prix du lait, plusieurs syndicats agricoles prévoient des actions comme des manifestations autour de plusieurs sites de du géant de l'agroalimentaire et des opérations dans certains points de vente des produits Lactalis. Ils doivent se coordonner à la mi-journée. Bernard Cazeneuve est un islam de France ancré dans les valeurs de la République. Déclaration du ministre de l'Intérieur faite lors d'un entretien accordé au journal La Croix, publié ce matin. Il organise aujourd'hui des entretiens sur l'islam de France avec notamment des responsables cultuels et des parlementaires à ce sujet. Bernard Cazeneuve a également réitéré le refus du gouvernement de légiférer sur le burkini. Prendre des mesures contre le port du maillot de bain intégral serait inconstitutionnel, inefficace et pourrait créer irréparable tension. Pour Jean-Luc Mélenchon, cette polémique sur le burkini est, je cite, une farce sans nom, une honte. L'ex-patron du parti de gauche, candidat pour son mouvement La France Insoumise, n'a pas mâché ses mots pour cette rentrée politique à Toulouse. C'était en présence de 2500 partisans. Il en a aussi profité pour dénoncer les hypocrites qui défendent les droits de l'homme en citant Nicolas Sarkozy. Attaque aussi contre Nicolas Sarkozy dans son propre camp à 3 mois de la primaire de la droite et du centre. Après Alain Juppé, l'ancien Premier ministre François Fillon a lancé des pique envers l'ancien président qui se revendique gaulliste. Qui imagine le général de Gaulle mis en examen? Question lancée pour sa rentrée politique depuis son fief de Sablé-sur-Sarthe. Les forces turques et leurs alliés poursuivent leur offensive au nord de la Syrie. Ils visent le groupe djihadiste État islamique et les forces kurdes. L'armée turque dit avoir tué 25 terroristes kurdes. 40 civils seraient morts dans les bombardements, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des craintes de regain de violence post-électorale au Gabon. Après le passage par les urnes, les deux candidats se disaient vainqueurs avant même les résultats attendus demain. Le président sortant, Ali Bongo, et son principal rival, Jean Ping, s'accusent déjà de fraude électorale. Ils devaient participer au prochain match de l'équipe de France de football. Les attaquants, Nabil Fekir, Alexandre Lacazette et le milieu de terrain, Johan Cabaye, sont forfaits pour blessure. Ils sont remplacés par Ousmane Dembélé, Kevin Gamero et Geoffroy Kondogbia pour les prochaines rencontres, à savoir l'Italie en amical le 1er septembre et le Bélarus le 6, coup d'envoi des qualifications pour le Mondial 2018. Dans la soirée également, trois matchs pour la troisième journée de Ligue 1. Pour la première fois de la saison, le Paris Saint-Germain s'incline, défaite sur la pelouse de Monaco, 3-1. Victoire en revanche de Bordeaux face à Nantes, 1-0. 0-0 pour la rencontre Saint-Étienne-Toulouse. Et puis en rugby, un dernier match de la deuxième journée de Top 14. Montpellier battu à domicile par Clermont, 22-26. Il est l'heure de se réveiller, 6h11 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et il faut se réveiller, même si c'est frais, nuageux ce matin, Michael. Ouais, voire pluvieux dans le sud, hein, plan vers le sud, vers Saint-Pierre, les Hauts-de-Saint-Joseph, la plaine des Cafres ou encore le volcan, même Saint-Louis est concerné. Et plus, on a un temps bien gris. Et mouillé aussi, hein, au niveau du sol. Et puis vous êtes mouillé de toute façon si vous sortez en ce moment, puisqu'il y a donc un petit crachin dans ces endroits. Plus on remonte vers le nord, moins on a de pluie. Mais enfin, les nuages sont bien installés sur certains endroits. À Saint-Denis, par exemple, on se réveille sous les nuages là. Ouais. Si en ce moment vous regardez le ciel, température fraîche, oui, froide même. D'ailleurs, sur les hauts, 2 degrés à la plaine des Cafres au volcan, 5 pas plus à Sillaos, 1 degré au Maïdo. Il va falloir aller chercher la chaleur, hein. Enfin la chaleur, mais encore, c'est un grand mot, vers le port pour avoir par exemple 18 degrés, pas plus. Hein. Au port aujourd'hui, c'est la maximale pour se réveiller. Ça va remonter dans l'après-midi, mais enfin globalement, ça reste en dessous des normales de saison. Pas plus de 24 degrés sur le littoral. Les nuages vont rester bien accrochés entre Saint-Philippe et Sainte-Rose. Des nuages qui pourraient apporter quelques précipitations passagères. Et puis de l'autre côté, eh bien, les nuages seront un peu moins présents. Mais ça ne sera pas non plus l'impression de beau temps qui dominera, avec surtout beaucoup de paquets nuageux sur les hauteurs ainsi que dans l'intérieur, les cirques notamment. Le vent qui reste toujours soutenu entre l'étang Salé et Saint-Joseph ainsi qu'entre Saint-Benoît et Saint-Denis, rafale de 60 à 70 km/h. Les plages de l'ouest vont voir un régime de bruit s'installer, donc on aura moins de vent que ce week-end. Et puis toujours cette houle, donc faites attention. Houle qui déferlera de la pointe des Aigrettes à la pointe de la Table, avec des vagues de 3,50 m environ, soit 7 mètres pour les vagues les plus hautes. Cocktail d'hiver pour aujourd'hui. Ah bah oui, là oui. Hein. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Comment ça se passe sur le réseau routier à cette heure-ci? On voit ça de suite avec Yves Gruyer qui doit avoir froid lui aussi. De Beauvallon. Bonjour Yves. Oui, bonjour Isabelle, bonjour Mickaël. Oui, alors Fred, 17 degrés ici à Beauvallon et deux zones de petites pluies, petites farines à Saint-André, excusez-moi pour l'étang salé, à Saint-André, et puis avant d'arriver vers la rivière du Mât, donc il y a aussi une autre petite zone de quelques centaines de mètres, et donc chaussée humide, et puis donc avec un gros trafic sur la ligne droite de Quartier Français surtout. Et puis après, c'était relativement libre pour rejoindre Saint-Denis, avec du monde sur tout le parcours et des ralentissements surtout sur Lancastel avant le pont Pasteur, 100 mètres avant le pont Pasteur. L'entrée ouest est dégagée, pas de soucis sur le boulevard sud actuellement, et les ralentissements par contre sont déjà bien prononcés dans l'ouest, fin de route Tamarin, puisque c'est à hauteur quasiment de l'échangeur de Plateau Caillou avant de redescendre vers le viaduc et retrouver la route digue de Saint-Paul. Voilà, temps très maussade, donc les conditions quand même, c'est relativement sec au sol en dehors de ces deux zones mouillées que je vous disais, j'annonçais il y a quelques instants. Et puis vous notez surtout aujourd'hui en contrainte, si la route de Sillaos est rouverte, il n'y aura plus de purges, mais il y a quand même de l'alternat et surtout des purges qui sont prévues toute la semaine au niveau des rampes de Basse-Vallée. Encore beaucoup de patience pour vous toute cette semaine entre 8h30 et 15h30 avec des coupures de 45 minutes. Merci, rendez-vous avant 6h30. Ouais, et puis couvrez-vous hein, sur la moto, là. C'est pas marrant en ce moment-là, non, surtout non, à 6h14 minutes. Tu m'étonnes. Que va-t-on faire pour la suite? Eh bien, on va peut-être vous offrir vos fruits et légumes, de quoi faire une bonne soupe. Exactement, par exemple. 20 euros de bon d'achat, valable dans les magasins Espace Fraîcheur. Qui n'en veut? Qui n'en veut? Qui n'en veut? 02 62 99 2000, si vous voulez repartir avec ce très beau cadeau au réveil, vous nous appelez, c'est simple comme un coup de fil, il n'y a pas de question. Hein, Mickaël? Ah non, il n'y a rien à faire. Juste un petit coup d'appeler. De fil, c'est et tout. Juste après, on ira au marché aussi. Exact. Avec Prisca, dans juste après 6h20. Oui, dans Bazar. Bazar. Providence. Ça sera tout à l'heure. Et on parlera du Navéron. Oui, OT. Eh oui. Qu'est-ce Allez. Que c'est que cette affaire hein. Vous saurez dans un instant. On va dans la rue avec Fefe sur Première. Grand matin. Bon réveil. Loin du bonheur et des îles, où la misère prend ses aises. Près du haut loulou pressé, se console avec des cils. Plus de chemin, plus de repères que des raccourcis. Pour la plupart piégés, piégés, piégés. Quand se nourrir est un film, de nourrir les tiens ton rôle. La rue te donne quelques scènes tirées de mauvais scénarios. Pour un coup, elle peut te fournir tous les plans possibles. Mais pour demain, qui sait, qui sait, qui sait. Je veux du soleil, je veux du soleil du pays. Je veux de soleil sur le bitume tant chéri. Rien de neuf dans ma rue, juste une allée d'aller à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien de neuf dans ma rue, juste une allée d'aller à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? D'autres affaires, on la pratique par défaut. Y'a que ceux qui n'ont pas touché le fond qui en parlent comme d'un trophée. Ni de première, deuxième place ici. Plus tu y es, plus tu perds, tu perds, tu perds. Quand elle est tout ce que l'on a, on rêve d'autre part. Parce qu'elle a tout ce que l'on est, même éloigné d'elle, on l'aime. Elle nous grandit, nous en dit long sur ce qui est à venir. Tout pour mieux la quitter, quitter, quitter. Je veux du soleil. Je veux du soleil du pays. Je veux de soleil. Sur le bitume tant chéri. Rien de neuf dans ma rue, juste une allée d'aller à pas d'avenir. Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Qu'est-ce qu'elle y connaît? Rien de neuf dans ma rue, juste une allée d'aller à pas d'avenir. L'ancien des Saiyans sous Pacro qui fait une belle carrière solo, Fefe avec Dans ma rue sur Première. Déjà 40 ans pour Fefe hein. Cette année, ça passe vite les années, hein. C'est plus les années Saiyans. Hein. Les jeunes années des Saiyans sous Pacro. Avec le boom boom short. Ça même, le fameux Angela. Ça même. Qu'on a tous écouté avec mon casque qui part en cacahuète. Oh, bon, on y va. Il est balade dans aussi. Un instant, on ira sur le marché et puis on vous offre votre panier de fruits et légumes. Voilà. Donc 20 euros avec Espace Fraîcheur. Oui, voilà, continuez d'appeler le 02 62 99 2000 pour repartir avec ce bon d'achat. Suffit d'être rapide au standard, Mickaël. Allez, soyez rapide et appelez tout de suite. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuel Obsèque et Complémentaire Santé. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Première. Allez, on va sur le standard avec Carole La Providence. Elle est en direction du travail avec sa sœur. Coucou Carole. Salut Carole. Bonjour. Les deux sœurs dans la voiture. Oui, voilà, c'est ça. Et qui font la même chose au boulot ou vous avez deux activités différentes? Non, on a deux activités différentes. Ah, covoiturage alors. Comment? Faites du covoiturage. Oui, voilà, entre, du covoiturage. Entre deux sœurs. C'est bien, Carole. Est-ce qu'il y a des bouchons à votre niveau? Comment? Est-ce que les bouchons sont salés à votre niveau ou ça va, pour le coup? Non, là ça va. Alors bon. On prend la direction du nord et pour l'instant la circulation est assez fluide. Tout en fait. Va bien, bon, parfait. Bien, Carole, une petite soupe pour se réchauffer, ça serait pas mal le soir avec des fruits et légumes. J'ai vraiment du mal à vous entendre. On a l'impression. C'est ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va juste vous dire l'essentiel. Voilà, c'est que vous repartez avec le bon de 20 € faire par Réunion Première et des magasins Espace Fraîcheur. C'est pour vous, que vous partagerez avec votre sœur, ou que vous gardez pour vous. Faites comme vous voulez, Carole. Ok? Bisous les bisous filles. Bisous les sœurs. Merci. Bon réveil à vous. Voici Maïko avec Fini Ensemble et puis juste et derrière. Après, on va au bazar. Bah, à la Providence, justement. Bah, justement. N'a rassemblé, nous déroulons fait pour finir ensemble, n'a fini ensemble. Qu'a nous déroulons fait pour finir ensemble, et si n'est dans la moisson, dit nous qu'elle va rassembler, nous déroulons fait pour finir ensemble, n'a fini ensemble. Nous va rassembler, Catherine pour moi, ou va rester, oui, nous va rester complet, l'amour qui est moins nana. Naturel, beauté naturelle, sans mou, elle est comblée. Gia nous déroule et fait pour finir ensemble. Si n'est dans la mode, si nous qu'elle a rassemblé. Nous déroule et fait pour finir ensemble. N'a fini ensemble. Gia nous déroule et fait pour finir ensemble. Et si n'est dans la mode, on dit nous qu'elle va rassembler. Nous déroule et fait pour finir ensemble. N'a fini ensemble. Je suis l'homme de ta vie, je te le dis, ouais. Mes sentiments les plus vrais. Je ne suis que la flamme de ton esprit, ouais. Si je m'éteins, tu disparais à jamais. Si vous devez vivre sans moi, si vous voulez tenir mon main, baby, on va finir sans moi. Ah, yeah. La la. Ce que je vous propose le matin, c'est que toute la réunion finit ensemble avec nous. C'est ça. Avec nous, là, sur, bah oui. Sur première, dans Grand Matin. Alors, en tout cas, nous commençons ensemble, même c'est si Maïko, il finit ensemble. Et jusqu'à 8h, on est là. C'est sûr. Voici le marché. Allez, bazar. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Coucou Prisca. Le Navéron. Oui, on est ici à la Providence avec Vincent. Vincent en train de danser avec 2-3 tomates dans la main. Ah là là. Ah ouais. Allez, on va le filmer. Puis on va le mettre ça. On va mettre ça sur le site de Facebook de Réunion Première. Alors vous connaissez le navet long. Voici le navet rond. Alors le navet long ne se prépare pas comme les navets ronds. On va avoir des explications avec Vincent. On Vincent, va tout savoir. Bonjour. Prépare le navet rond. Le navet rond se prépare. Tout d'abord, il y en a deux pour le navet. Oui, ah, d'accord. Donc, le plus important dans le navet rond, c'est l'épluchage, c'est ça? Voilà. Il faut enlever les deux pots, mais pas en même temps, parce que sinon, ça change le goût. Voilà, il faut éplucher le premier pot, après de là, on éplucher le deuxième pot. Et, est-ce que ça coûte le même prix que le navet long? Oui. Oui. Donc, ça coûte combien? C'est au kilo, hein, que ça s'achète, kilo, ça, Vincent? Au kilo. Ouais. Ah, c'est un numéro 4. Tu vas regarder ça pour nous. Bah oui, c'est important. En fait, le navet rond, c'est un très gros oignon, hein, si on regarde bien. C'est un très très gros oignon. Hein, le navet rond. Ouais. C'est un navet. Oui, mais c'est, ça ressemble à un très gros oignon. Eh, bataille pas. Non. Oui, ça ressemble à dis Ali, oui, Prisca, dis Ali, oui. Oui, oui, bah, voilà. Il faut bien donner une image. Parce que on donne quoi comme image? Ah, bah voilà. Bah oui, Vincent. Ça a le même goût que l'oignon. Ah bah non, c'est sûr. Non, c'est un goût de navet, quoi. Absolument. Voilà. Et vous savez que le navet rond peut se cuisiner avec du sucre. En fait, vous faites vos navets caramélisés, vous rajoutez un petit peu de beurre, une petite noisette de beurre, un petit peu de sucre. Mais vous ne faites pas brûler hein, le sucre. Et vous verrez, c'est excellent. Vous avez déjà goûté Non, jamais. Vincent, jamais. Michael et Isabelle. Oui. Dedans, mais vous avez déjà goûté le navet sucré? Le navet sucré, non, jamais. Mais écoutez, c'est l'occasion, puisqu'en ce moment, il y en a hein, sur les marchés de La Réunion. Mm. Et puis, on se retrouve tout à l'heure, à 8h30, justement, ramenez vos idées de recettes et venez rejoindre toute l'équipe de Réunion Première à 8h30. Nous allons vous accueillir avec un panier garni et à l'intérieur de ce panier, il y aura notamment des navets ronds. Ça sera le mot de passe. Eh ben nous allons proposer quelques recettes en direct sur Réunion Première tout à l'heure dans la Coljac. Merci, Prisca. Voilà, donc retenez bien pour le panier garni le mot de passe navet rond. Un gros oignon. Non. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Alors dites-moi à quoi ça ressemble alors. Ça ressemble à un navet, c'est oui, rond. Mais pour toutes à fait, les ronds ressemblent à un oignon. Le navet habituellement, on le voit pas comme ça. C'est le navet long. Donc c'est vrai que le navet rond est assez particulier. Il faut bien donner une image parce que les gens forcément ne le connaissent pas. On connaît l'expression dans Win à Poids Bataille. Mmh. Voilà, le navet ressemble à un oignon. Tu as raison. Bon, au moins les gens sauront ce que c'est à peu près. Hein. Bon, Ellie Goulding, Something. Sur Première. Something the way you move, something the way you move. With you I'm ever heating, it's heartache through and through. Something the way you move, I don't know what it is you do. Not one bone in your body good enough for me. But this heart is open, blood stain on my sleeve. When our eyes meet I can only see the end. But tonight I'm here, yours again. Ta copine, Michael, Ellie Goulding. Something in the way you move, sur si Première, dis, moi, dans là. Grand Matin. Vous êtes d'accord avec tout ce matin, hein. Bah bon, oui. Décidément, Prisca et toi, Isa. Bah oui, bon, Bruine à Poids Bataille. 6h29, on passe sur les routes avec Yves Grouillet qui nous informe du trafic. Il est dans les rampes de la plaine entre Pompayette et l'Écho. Il fait déjà plus de 15 degrés, aïe, aïe, aïe. La route est humide ici, donc en plus il y a vous voyez, ce petit vent donc, qui arrive à traverser à travers les vêtements, donc, avec une bonne combinaison et plus les combinaisons de pluie, ça devrait le faire jusqu'en haut. La circulation plutôt correcte hein, donc sur cette partie, en tout cas depuis Pompayette et jusqu'à Saint-Benoît, pas de difficultés de circulation, quelques tracteurs de temps en temps, donc montant ou descendant, donc vous subissez donc ces véhicules lents dans le trafic, mais sinon ça se passait plutôt correctement sur la voie qui contourne Saint-Benoît, donc en passant par le carrefour de Bracanotte, la circulation sans trop de difficultés à ce niveau. Les ralentissements plus entre Petit Bazar jusqu'à l'échangeur nord de Sainte-Suzanne actuellement. Après, c'est encore relativement roulant, Ravine des Chèvres, les passages du parc Gilo, la ligne droite de la Jamaïque, tout ça donc est plutôt fluide, avec un peu de monde sur le front de mer, surtout sur Lancastel, donc sans changement. L'entrée ouest, ça y est, ça ralentit légèrement en hauteur de la caserne Lambert pour le moment. Pas encore de difficultés sur le pont Vinsane. Et puis c'est toujours à hauteur de l'échangeur de Plateau Caillou. Vous qui êtes sur la fin de la route des Tamarins, attention, donc il y a des zones humides donc sur le réseau routier ce matin, restez prudents. Merci, rendez-vous après le journal, 6h30 sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Il a dû être amputé du bras droit et d'une partie de la jambe droite, mais le bodyboarder attaqué par un requin samedi dernier n'est plus en danger de mort. Ce drame a marqué les esprits, les filets n'étaient pas abaissés à Boucan, ils étaient en revanche endommagés. Un trou avait été repéré, reportage à Boucan au lendemain de l'attaque. Nous entendrons aussi Christophe Mulquin, élu à Saint-Leu et ancien champion de surf. Certains élèves de La Réunion seront-ils privés d'activité autour de l'éclipse? Pourront-ils l'observer? Deux syndicats d'enseignants appellent à la grève pour jeudi. Ils trouvent que la sécurité des enfants ne pourra pas être assurée. Politique et la primaire à droite en vue de la présidentielle. Nicolas Sarkozy est candidat. Aura-t-il un comité de soutien à La Réunion? Question posée à Michel Fontaine, le président des Républicains Pays. Vous entendrez sa réponse. Et puis nous parlerons football. Retour sur la victoire de la JSSP face au Saint-Denis FC ce week-end en D1R. Avec les filets anti-requins, la plage de Boucan-Canotte avait repris vie, mais ce week-end, de la baignade et les activités nautiques étaient interdites. Ces fameux filets, inspectés chaque jour, ont montré une faille, un trou de 2 mètres sur 3, de quoi laisser passer un squale. Drapeau rouge, personne ne doit rentrer dans l'eau, mais l'interdiction n'est pas respectée. À 17h, c'est le drame, un requin est entré dans la zone habituellement protégée. Il attaque un bodyboarder et lui arrache le bras droit et un bout de la jambe droite. Hospitalisé, opéré et amputé, le jeune de 21 ans est aujourd'hui hors de danger. Au lendemain de l'attaque, Aurélie Constant est retournée à Boucan-Canotte. Sur la plage, on constate que le drapeau est toujours rouge. Peu de monde sur le sable. Certains ne savent même pas qu'il y a eu une attaque la veille. Dimanche matin, sur la plage de Boucan, certains n'étaient pas au courant de l'attaque de la veille. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On ne sait pas du tout. Mais j'allais vous dire qu'aujourd'hui, je trouve le spectacle magnifique de la houle et tout ça. Mais là, du coup, vous me cassez tous mes effets. J'ai pas pris les infos de la journée hier et du coup... Je n'ai pas courant, voilà, vous me l'apprenez, mais c'est pas une bonne nouvelle. Sur le sable, une cinquantaine de personnes et les réticences se font sentir à l'idée de se remettre à l'eau un jour à Boucan. On n'avance pas, on est toujours au même point en fait. On dit qu'un filet est troué, ça y est, le requin est passé, donc ça peut se renouveler quoi. Je pense que j'aurais du mal à y entrer à nouveau. J'y retournerai peut-être, mais j'avoue que pour mes enfants non. Enfin clairement, mes enfants, je leur interdirais même avec les filets. On pensait qu'avec les filets, ce serait plus efficace, mais on voit que non. On va moins venir à la plage, je pense. Isabelle est une ancienne surfeuse. Avec la crise requin, elle a arrêté de pratiquer, mais pour elle, pour éviter l'attaque, il faut déjà respecter les consignes de sécurité. C'est triste à dire, mais il y a des conditions qu'il faut clairement éviter. Je ne vais pas m'amuser à faire de l'apnée aujourd'hui, par exemple. Et ça, bah, visiblement, ça ne pardonne plus du tout, quoi. La mer, j'irai toujours, hein. C'est sûr. Mais en tant qu'apnéiste, en tant que surfeuse, j'y retournerai pas. La baignade est pour le moment toujours interdite, ainsi que la pratique des activités nautiques. Un reportage d'Aurélie Constant, on l'entendait pour certains, il sera difficile de se remettre à l'eau même avec les filets. Faut-il pour autant remettre le dispositif en cause? Non, dit le préfet. Dominique Saurin qui a lancé la recherche de squale post-attaque. Des pêcheurs ont tenté de retrouver le requin, mais en vain. Christophe Mulquin est conseiller municipal chargé des activités nautiques à la mairie de Saint-Leu. Dès qu'il a appris la nouvelle, il est venu apporter son soutien aux maîtres nageurs sauveteurs de Saint-Paul qui sont intervenus pour porter secours à la victime. L'un d'entre eux s'est blessé avec son jet ski lors de l'intervention. Pour Christophe Mulquin, l'heure n'est pas à la polémique. Il faut continuer à travailler pour que l'image touristique de La Réunion ne pâtisse pas trop de ces attaques. Lâcher ses efforts sur la réduction du risque requin, ça veut dire faire perdre l'âme de l'île de la Réunion, parce qu'une île dans l'océan Indien qui ne peut pas profiter de la mer, eh ben elle perd de son âme, quoi. Je pense que de toute façon, toute la population réunionnaise est tout à fait consciente. Maintenant, bien sûr qu'il y a une frange qui n'est pas intéressée par la mer, mais il y a aussi une énorme frange qui est intéressée par la mer. On sait très bien l'impact de la sécurisation ou de la réduction du risque, l'impact économique et l'impact de l'image à l'international, ce que c'est. Le centre de ressources et d'appui a été créé. Les services de l'État ont bien compris que ce n'était pas un caprice de trois têtes blondes. Hein, il faut bien le rappeler, ça. Parce qu'on a eu aussi le glissement ethnique qui était formidablement dégueulasse. Là, on est sous le choc. Donc voilà, il faut continuer. Christophe Mulquin, conseiller municipal activité nautique à la mairie de Saint-Leu, répondait à Mélodie Nourry et nous reviendrons sur cette attaque de requin avec Sébastien Audebert, le directeur de cabinet du préfet. Il sera l'invité de la matinale à 7h15 sur Réunion Première. Il répondra aux questions de Philippe Dornier. Philippe Dornier qui vous donne aussi la parole dès 12h15, les attaques de requins, un éternel recommencement. Ce sera le thème de C'est dans l'actu. En studio, Jean-François Nativel, président de l'association Océan Prévention Réunion, Jean-Bernard Galvez, porte-parole du collectif de protection des requins, et Arnold de Jacou, psychosociologue, auteur d'un rapport sur la crise requin. Rendez-vous donc à 12h15. 6h35 sur Réunion Première, la suite du journal avec Cécile Thomas. Débute aujourd'hui aux Assises une nouvelle session. Elle durera 3 semaines. 10 affaires seront jugées, parmi lesquelles 8 dossiers de viol. À partir d'aujourd'hui, c'est un homme d'une 30aine d'années qui comparaîtra. Il est poursuivi pour le viol de sa femme, mais aussi de sa petite-fille et de sa nièce. Puis de nombreux contrôles routiers ont été menés ce week-end, c'était en zone police. Sur 197 véhicules, 108 infractions ont été relevées, 12 voitures ont été immobilisées, 2 permis de conduire ont été retirés. Dans 4 journées d'éclipse annulaire dans le ciel de la Réunion, journée d'éclipse de professeurs dans certaines écoles, plusieurs syndicats d'enseignants ont déposé des préavis de grève pour le 1er septembre. La CFTC et le SAIPER déplorent le manque d'encadrement des enfants par les mairies. L'éclipse se déroulera durant la pause du midi. Les élèves ne seront plus sous la responsabilité des enseignants. Des enseignants qui renvoient la balle vers le rectorat, qu'ils accusent d'avoir voulu organiser l'événement sans garantir la sécurité des enfants. Raphaël Kahn. Les professeurs de la CFTC et de SAIPER ne veulent pas être tenus responsables des accidents lors de l'éclipse. Avant les vacances, les enseignants ont reçu une circulaire. Elle indique que la responsabilité des enfants sera partagée durant la pause du midi entre les professeurs et les employés communaux. En somme, les enseignants pourront surveiller les enfants, mais sur la base du volontariat. Selon les syndicats, aucune garantie du risque zéro n'existe. Rien ne permet d'empêcher les enfants de retirer leurs lunettes spéciales. Quelle solution alors ? Les communes du Tampon et de Sillaos ont décidé de fermer leurs établissements. Dans la commune de Saint-André, la pause du midi a été avancée pour que l'éclipse se déroule durant les heures de cours. Effectivement, dans certaines communes, la pause déjeuner a été décalée à Saint-André et à Saint-Benoît. Politique avec la primaire à droite en vue de l'élection présidentielle, c'est désormais officiel. Nicolas Sarkozy est candidat à la primaire des Républicains. La liste officielle ne sera connue que le 21 septembre après le dépôt de toutes les candidatures des candidats fixés au 9 septembre. Ensuite, il y aura une campagne comme pour les élections normales et le vote aura lieu les 20 et 27 novembre prochains. 79 bureaux de vote seront ouverts dans les 24 communes de l'île. Y a-t-il déjà un comité de soutien pour Nicolas Sarkozy ? Le point avec Michel Fontaine, le président des Républicains. À La Réunion, il est en charge de l'organisation de cette élection. De mémoire, il n'y a pas encore de comité de soutien organisé, si ce n'est à la Juppé, hein, qui a été installée. Les autres candidats n'ont pas actuellement de comité de soutien. Je crois que les choses vont se précipiter. Est-ce qu'il y a une campagne active ici entre les militants ? On a l'impression que ça bouge pas trop finalement. Mais pas que les militants qui votent, hein. Il faut savoir que c'est une primaire ouverte et tout citoyen inscrit sur liste électorale pourra véritablement s'exprimer, voter et choisir le champion qui affrontera nos opposants, c'est-à-dire les candidats frontistes et candidats socialistes. Michel Fontaine, le président du parti Les Républicains à La Réunion, il répondait à Sophie Persson, pardon. Et notez que c'est le député socialiste Jean-Jacques Vlodi qui répondra aux questions de Gaël Le Dantec. 18h15, je vais y arriver sur Réunion Première. Il sera l'invité de Devant la Réunion. On enchaîne avec le foot. 9e journée de championnat ce week-end. 9e victoire pour la Saint-Pierroise qui continue de survoler la D1R. Les champions en titre se sont imposés hier à domicile face au Saint-Denis FC. Score final 3-0. Les buts sont signés Quentin Boisseau, Alexandre Loricourt et Ricardo Sofi. Pour Christian Daffreville, le contrat est rempli après une petite frayeur face à la Jeanne d'Arc. Le coach de la JSSP est satisfait de voir que la machine est relancée. On a été costaud, les joueurs ont fait preuve de beaucoup de solidarité, beaucoup de CAE et de motivation. Et ça nous a permis de passer l'obstacle Saint-Denis FC, qui est une très bonne équipe avec des fortes individualités. La semaine prochaine, Sainte-Marie, donc c'est un cadeau. C'est les matchs, il faut les prendre les uns après les autres. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, on aura un adversaire qui va nous donner du fil à retordre. Mais l'essentiel, c'est que moralement, on soit costaud. Et du côté des Dionysiens, on accuse le coup après la défaite face à Trois-Bassins en coupe régionale. C'est donc une deuxième défaite en deux semaines. L'entraîneur Jacques Adler. Déjà, il faut recentrer le groupe, il faut redonner le goût au travail. Parce qu'il faut qu'on travaille. Il faut gommer tous les erreurs techniques qu'on fasse devant les équipes. Et deuxièmement, il faut qu'on aussi augmenter le niveau de vigilance. Parce que les buts qu'on prend, c'est pas assez d'attention. Il manque, je dirais, une certaine expérience de à ce niveau-là. Des propos recueillis par Olivier de la Richaudie. À l'issue de cette 9e journée, voici le classement provisoire. La JSSP invaincue reste logiquement en tête, suivie de l'Excelsior et de la Sainte-Marienne. Et on s'excuse pour tous les toussements qu'on entend depuis tout à l'heure. Les toussages, les tous. c'est un lundi difficile. Alors. C'est ça, lundi avec la grippe. Merci Cécile. Retour à 6h50 pour les lignes de la presse. 6h41 sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlaboudou.com. Aïe, au réveil, le soleil, comme le mercure, le peu les timides. Bah oui, mais timide. avec ce temps, comment vous voulez aussi qu'on n'ait pas la grippe hein. En plus de ça, on rajoute le vent qui souffle bien déjà en tout secteur de la Réunion. Alors peut-être un peu moins vers le port et vers la région de Saint-Benoît, mais mis à part ces régions, eh bien on a quand même beaucoup de vent hein, sur la Réunion. Seule la région donc du nord-ouest est à l'abri et les nuages sont nombreux, surtout sur la moitié sud. Ces nuages qui vont rester bien présents entre Saint-Pierre et Sainte-Marie, en passant par Sainte-Rose cet après-midi, même si on pourrait avoir des éclaircies par endroits. En tout cas, entre Saint-Philippe et Sainte-Rose, là, le côté est du volcan, on risque pas d'en voir beaucoup. De ciel bleu aujourd'hui, des précipitations qui pourraient tomber aussi, passagères. On en a eu ce matin au tout début de journée, en toute fin de nuit, notamment sur les hauteurs de Saint-Joseph ou encore Saint-Pierre et Saint-Louis. On en a eu aussi du côté de l'est. Ces précipitations, on devra en avoir encore tout au long de la journée. Ciel bien nuageux, mis à part peut-être effectivement sur le littoral ouest, où là on gardera un ensoleillement plutôt convenable. Le vent toujours soutenu entre l'étang Salé et Saint-Joseph et entre Saint-Benoît et Saint-Denis, rafale de 60 à 70 km/h. Et puis la mer reste forte avec l'effet combiné du vent et de la houle. Une houle qui persistera à 3,50 m environ pour les vagues moyennes, 7 mètres pour les vagues les plus hautes, entre la pointe des Galets et la pointe de la Table. Et puis sur la côte est, arrivée là aussi d'une houle modérée d'Alizée. Donc en mer, tout comme sur terre, c'est pas forcément un temps très agréable. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlaboudou.com. Et nous, on rejoint Yves Gruyé au deuxième village de la Plaine des Palmistes. Ouais, on arrive assez dans les 9-10 degrés maximum ici à la Plaine, mais route sèche hein, ici par rapport aux rampes, c'est un peu plus sec, même si le ciel est nuageux. Un petit peu comme vendredi, vous avez fait le chemin inverse. Et alors attention, puisque au niveau du premier village, enfin avant le premier village, entre la pyramide et la rue des Arômes, la circulation se fait toujours sans marquage au sol, mais avec des cônes qui séparent les voies de circulation. Hein, donc ceci justement pour que tout le monde puisse matérialiser sa voie de circulation, surtout pour un long week-end, puisque les travaux de marquage sont prévus seulement aujourd'hui et demain. Donc attention, prudence. Après donc une journée complète d'enrobé, la chaussée est en bon état. ça. Circulation donc plutôt correcte hein, donc sur cette route nationale 3, ce qui n'est pas le cas côté ouest avec les bouchons donc qui commencent un petit peu avant l'échangeur de Plateau-Caillou actuellement. Ça commence à se densifier dans les rampes. L'entrée ouest ralentit à hauteur des potences en ce moment pour 1,5 km déjà avant le tunnel du Cap Bernard avec un Covinsan encore dégagé. L'entrée est elle-même toujours plutôt fluide pour faire le plateau de la Mare, donc arriver depuis le Verger jusqu'au front mer de Saint-Denis. Même par contre, donc c'est bien coincé de Saint-André jusqu'à l'échangeur nord de Sainte-Suzanne avant la ravine des Chèvres. Voilà pour l'essentiel, très bonne route. Merci, rendez-vous avant 7h. Et avant 7h, l'une de la presse à 6h50 et puis on ira dans ce froid, dans les champs d'une agricultrice, Madame Polo, qui travaille dur chaque jour. Et on essaiera de comprendre un peu comment sa vie se passe à Madame Polo. Ah oui. Ah bah oui, aujourd'hui n'a pas de marché, elle est sur les marchés tous les jours. Aujourd'hui c'est lundi, elle sera peut-être dans son champ. Est-ce qu'elle se repose aujourd'hui lundi? Pas sûr, on verra. On verra bien, on va dans quelle région? Dans les Hauts-de-l'Ouest. Dans les Hauts-de-l'Ouest, hein, avec Madame Polo. D'ici là, c'est le Zambrocal quotidien, comme tous les jours du Lecce qui nous a rejoint à la rentrée. Voilà, Balance, Verseau, Vierge, tout le monde y est aujourd'hui. Tu vas nous parler de l'horoscope, forcément. Bah ouais, forcément. Les planètes et les étoiles ont-ils un effet sur notre destin, notre comportement? Zot il dira à moins que Nana effectivement qualité de Moon, il marche comme la Lune. Mais là, mi parle à Zot d'astrologie, Marmaille. Le signe zodiacal, tout ça, Nana attaquant de Moon, il lit Zot l'horoscope toute la journée et il trouve réponse là-dedans, oui. Notamment pour leurs histoires d'amour. Linda, il pouvait pas marcher entre où et bonhomme là, lit les poissons ou les vierges, Zot est pas compatible. Surtout en ce moment que Neptune l'est en alignement avec Cérès. Ah oui Linda, hein, c'est la faute Neptune. Hein. Rien à voir avec la nouvelle secrétaire à son travail et les deux géantes gazeuses qui servent à lit de poumon. Non mais ma fille, si on commence gars la position des étoiles 4 heures pour trouver un bug, c'est sûr qu'on va rester vierge justement. Mais il n'y a pas que les histoires d'amour de Mars et Vénus dans l'astrologie. Nadumun y justifie toutes affaires comme ça. Bonjour à tous, c'est le Lecce. Votre horoscope pour ce lundi 5 septembre. Bélier, aujourd'hui vous risquez d'être désagréable au travail. François m'a vu ce matin outre l'horoscope, l'a dit qu'on sera en couillon hors du travail, donc m'a décidé de pas cause sans mou. Non mais Ghislaine, m'y fais pas la gueule hein, et nous n'en réunion tout à l'heure, qu'on sauve m'y fait si on cause pas sans moins. Ou voit, ou les désagréables, l'horoscope l'avait raison. Si en plus tu commences à rajouter l'horoscope comme source potentielle de l'adi la fée, nous l'est pas sauvé, surtout à la réunion. Cancer, des soucis d'argent en ce moment. Ghislaine ne pourrait pas sans moi 5 euros pour que m'y achète un barquette midi, m'a oublié mon porte-monnaie la case. Ah non, mais t'es conné, hein. M'a vu ce matin qu'on était endetté. Il faut faire plus attention, hein. Ça, c'est depuis qu'on achète un nouveau loto, ça. Mais non, Ghislaine, m'a juste oublié mon porte-monnaie la case. Pas besoin mentir, m'y connais la vérité, moi. Sagittaire, quelques problèmes gastriques aujourd'hui. Non, mais préfère pas nu travail aujourd'hui, mon horoscope l'a dit que m'y t'es malade, m'y préfère prendre un congé maladie. Non, mais Ghislaine, si vous sent ou bien au peu nu travail, hein, c'est pas parce que l'horoscope l'a dit à Oussa que il est forcément vrai. Ah non, m'y préfère pas prendre de risques, moi. Si tout de monde y croit que ça Zot, l'horoscope y raconte à Zot comme couillonniste, comment on veut que la réunion y avance? À moins par exemple, que ça mon horoscope y dit à moi aujourd'hui. Amour, vous allez rencontrer une personne troublante qui va faire chavirer votre cœur. Effectivement, tout à l'heure, comme un pas dans le couloir, ma croise intentine avec un poro côté son bouche, deux yeux tordes et un touffe de cheveux en paille de fer. Mon cœur l'a eu un choc, m'a failli avoir un attaque. Finalement, l'horoscope n'est peut-être pas si menteur que ça. Ça reste à voir. Bah oui, tu vois, Juliette, elle a encore des beaux jours devant c'est elle. C'est vrai, le Juliette qu'on retrouve tous les matins et c'est un grand plaisir de la retrouver. Merci au Lecce, 16h50, si vous voulez réécouter l'horoscope du Lecce. Tout à l'heure, dans le bon tempo avec David. À tout de suite. Allô. Oui, ni hao. Bonjour. Bonjour. Je voudrais apprendre le chinois. Ah, ni xiang xue hanyu, mei wenti, pas de problème. Débutant, faux débutant, intermédiaire ou avancé, l'Institut Confucius vous propose dès la rentrée de septembre des cours de chinois à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Plus de détails sur confucius.univ-reunion.fr. Le chinois, c'est très facile. L'Institut Confucius vous attend. Attention, à compter du jeudi 1er septembre, la Civis change ses modalités de collecte. Les jours et les fréquences de collecte évoluent. Pour vous accompagner, la Civis distribue actuellement un nouveau calendrier de collecte. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.plusbellelaville.re ou appelez le numéro vert au 0800 501 501. Le changement de collecte, n'oubliez pas, c'est à partir du 1er septembre. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitez-en pour avoir les ponchettes. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Tu es étudiant ou jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Première. Allez, avant d'aller voir comment se passe la vie d'une agricultrice, Madame Polo, à 7h, elle est une de la presse. Voici Neuda Paradise. Allez. Bon réveil à tous. The sunshine in my heart, when the clouds come and the waves part, so the bells ring and we all sing, what I'm feeling here together. Where to begin with these words of mine? And if I'm lost, I'm in paradise. And every morning with a new light, it's a new day, and I sing. I know that there is something much better in my life. I'm living for a paradise, yeah. I know that you've been running forever, but sometimes I'm living for a paradise, so yeah. Why don't we stay? A paradise, a paradise, yeah. Is the way you hide every day and night. I really wanna know where you are sometimes, but I can understand if you can decide. You know we belong together, and I stay here forever if you go now. Time and place, there's no disguise. Every moment's paradise now. You're surrounded by the blue skies. Surely there's no compromise when it's your time. Neuda sur la première et son titre Paradise. Il est 6h52 sur Première et comme tous les jours, les unes de la presse avec Cécile. On va commencer par l'attaque de requins à Boucan-Canot en une du quotidien ce lundi. Et oui, l'État maintient le cap, titre le journal. Le préfet appelle au respect des interdictions. Le bodyboarder attaqué à Boucan, handicapé mais vivant, écrit le quotidien. Boucan sous le choc, la plage abandonnée. Autre titre, Miss Réunion 2016, Ambre Nguyen, objectif Miss France. La rentrée judiciaire, une nouvelle session d'assises s'ouvre aujourd'hui. Prix de l'immobilier, le Sud, toujours plus cher, écrit le quotidien. Culte, la fondation de l'islam de France relancée. Et puis 40 ans avec le quotidien aujourd'hui, l'année 2000 avec la BIDEP qui divisait la Réunion. L'éclipse annulaire en une du journal de Lille. Tout savoir sur l'éclipse, titre le GIR. Comment ça marche? Le programme des animations, les précédents à la Réunion, les horaires commune par commune, les prévisions météo et les artistes inspirés par le phénomène. Autre titre et une photo, celle d'une toute petite fille, un micro à la main, ce n'est pas Isabelle Waros, c'est Miss Réunion, itinéraire d'une petite fille modèle. Attaque de requins, le préfet le dit, pas de remise en question en cause du dispositif. Et dans la presse nationale, la rentrée scolaire en métropole, en une d'aujourd'hui en France. Éducation nationale, la ministre défend son bilan, réforme du collège, recrutement des enseignants. À 3 jours de sa dernière rentrée avant la présidentielle, Najat Vallaud-Belkacem rouvre les dossiers chauds. autre titre du foot, le PSG tombe du rocher secoué par une remarquable équipe de Monaco. Les Parisiens ont subi leur première défaite de la saison en Ligue 1, score final 3-1. Et puis politique pour décoller, Fillon comme sur Sarkozy, écrit aujourd'hui en France. La primaire à droite également, une du Figaro ce matin. Juppé, Sarkozy, la bataille de la primaire est lancée. Selon le sondage TNS Sofres pour le Figaro, les deux hommes sont désormais à jeu égal au premier tour. Juppé conserve l'avantage au second, mais l'écart se resserre. Autre titre, la moitié des Allemands seraient opposés à un quatrième mandat d'Angela Merkel. Et puis à Calais, le nombre de migrants dans la jungle a doublé depuis juin, écrit le Figaro. Un autre sondage sur la primaire à droite dans Libération cette fois. Sondage exclusif avec ce titre, la droite, ça ne fait pas rêver, alors que la très violente charge de Fillon contre Sarkozy accroît les divisions. Les Français estiment que l'opposition ne ferait pas mieux que la gauche si elle parvenait au pouvoir. Politique toujours avec cet autre titre, Macron doit se tenir prêt. À Madagascar, la piste du crime passionnel, une semaine après la mort de deux jeunes Français travaillant pour une ONG, un nouveau suspect est entendu qui pourrait orienter l'enquête vers la piste de la jalousie. Du football en une de l'équipe. Paris prend une leçon, titre le quotidien sportif épatant monégasque. Ils ont gagné le premier choc de la saison et prennent la tête de la Ligue 1 dans le sillage de Guingamp. Le PSG a été dominé tactiquement et collectivement. Paris qui a perdu 3-1 face à Monaco. Mmh. Foot toujours avec l'équipe de France, Dembélé, Gamero, Kondogbia en renfort après les forfaits de Johan Cabaye, Nabil Fekir et Alexandre Lacazette. Didier Deschamps a notamment appelé Ousmane Dembélé. Une première pour l'ancien attaquant, renaît désormais à Dortmund. Un futur grand joueur, Ousmane Dembélé. Merci Cécile, à tout à l'heure. Première. 6h55, c'est l'heure de l'appel réveil. Un petit appel bref, comme ça, pour réveiller un Réunionnais ou une Réunionnaise. Et on a décidé ce matin d'aller voir une femme qui, depuis 38 ans, travaille dans les champs. Mmh. Elle est maraîchère, elle est bazardière. Et c'est Madame Polo. Bonjour Madame Polo. Bonjour Madame Polo. Bonjour. Comment il est Madame Polo ? Ça va très bien et vous ? Ça va tranquillement. Réveillée depuis quelle heure Madame Polo ? Depuis 4h. J'ai déjà sur Saint-Pierre. Déjà sur Saint-Pierre ? Au marché de Gros ? Oui. D'accord. Madame Polo, raconte à nous un petit peu. Tous les jours où les suit le marché, le lundi marché de Gros, quand ça il repose, quand ça il prend une journée, pour prendre un peu le temps, pour il gagne jamais ça Madame Polo ? C'est plutôt vers le mois d'octobre. Là, on est vraiment, il y a plus grand chose. Est dans la replantation, donc on calme un peu les marchés. Sinon, Donc là, en ce moment, ça va être la replantation mois d'octobre, Madame Polo. Mais sinon, la journée, une journée type, ça commence donc à 4h, on se lève. 4h pour les autres jours, mais les jours du marché, mercredi et vendredi, c'est 1h du matin. Ah, c'est 1h du matin, c'est-à-dire qu'on dort pas pratiquement. On dort pas. On dort très peu. C'est un métier physique, il faut vraiment y aller. Et il faut continuer dans la journée, en plus, à aller dans les champs, ensuite cultiver. Les champs, oui. Cultiver. Il faut contrôler, il faut voir ce qui va pas, quand est-ce qu'il faut replanter, quand est-ce qu'il faut récolter. Et vous faites ça toute seule, Madame Polo ? Non, j'ai mon mari avec moi, et puis j'ai ma fille de temps en temps, dans les congés, elle vient avec nous. Alors, il fait 38 ans, Madame Polo, que vous faites ce métier d'agricultrice. Est-ce que le métier... Déclaré, en fin de compte, on est né dans la terre. Avec les parents. Depuis enfant, on était avec les parents. Mmh. Et au départ, on faisait du géranium, après de la canne. Après, je me suis mis au maraîchage et fruitier. C'est une affaire de famille. Alors justement, est-ce que les fils, les filles... vous avez une fille, vous avez dit Madame Polo. Est-ce que cette fille veut reprendre l'exploitation ou elle hésite un peu encore aujourd'hui ? Elle hésite encore un peu parce qu'elle travaille déjà. Mais dans le domaine d'agriculture, elle est CPE agricole de Saint-Paul. Oui. Et c'est plus son fils là, de 15 ans qui est vraiment motivé. Là. Ah, comme quoi, ça peut sauter une génération. C'est le petit-fils aussi. Qui est intéressé. Mais c'est un travail difficile, vous l'avez dit. Et au final, les gens ne le voient pas forcément. Ça, c'est un peu votre impression. C'est ça. C'est parce que quand on ramène un produit, n'importe quoi, on fait notre un gros effort pour amener sur le marché, mais les gens ne portent pas attention. Mais je mets pas tout dans le même panier. Bien sûr. Il y en a des gens qui sont consciencieux comme dans tous les domaines. Mais c'est vrai que quand ils vont en affaires, des fois on n'a pas de compliments, on n'a rien. C'est pour ça aussi qu'ils n'encouragent pas les jeunes non plus. Hein. Eh ben nous on vous en fait et on ira donc goûter aux agrumes de Madame Polo. Exactement. Si vous voulez la voir, elle est sur les marchés, puisqu'elle l'a notamment rencontrée souvent. Voilà, du port Saint-Paul le vendredi. Le dimanche aussi, marché de producteurs sur le parking du théâtre. Là. Et pour Saint-Gilles. Un beau marché aussi pour le dimanche. Et goûtez au tangor, Madame Polo. Merci, Madame Polo. Ouais. Bonne journée, bon Merci. Courage. Merci. Allez, bye bye. Au revoir. Bye bye. Bye. On rejoint Yves tout de suite. Pour un point sur le trafic, c'est à vous Yves. Oui, avec attention, beaucoup de trafic ce matin. Vous êtes très très nombreux donc à circuler de l'ouest vers le nord. Soyez patients puisque les ralentissements démarrent déjà à l'entrée du tunnel du Cap Plaoucé, donc avant de redescendre sur dans un premier temps Plateau Caillou, le pont Vinsan et toute la grande partie de la route Digue avec un trafic soutenu jusqu'à au moins Cambé. Et puis la route du littoral, ça commence déjà à l'entrée de la route du littoral, les premiers coups de frein. Il y a des zones roulantes, notamment dans la courbe du Ravine à Malheur, mais après ça recoince, on vous retrouve une plus petite allure également donc pour passer la grande chaloupe et de nouveau des difficultés avant le virage du gouffre. Enfin de toute façon, donc les premiers coup de frein, ce qu'il faut retenir, c'est dès l'entrée de la route du littoral, du côté de la Possession, avec un pont Vinsan encombré de moitié, la tranchée couverte côté montagne qui est déjà bien pleine, une entrée est avec des ralentissements qui vont depuis quartier français jusqu'au niveau du plateau de la Mare. Il y a deux, trois petites zones roulantes également sur ce tronçon, mais dans l'ensemble, c'est quand même très très chargé en ce lundi matin, beaucoup de trafic. Voilà, donc soyez patients et bonne route. Prudence et vigilance sur le réseau routier. Très bon lundi, les 7h sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Stéphane et Nilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Après l'attaque de requins de samedi, et alors que les jours de la jeune victime de 21 ans ne seraient désormais plus en danger, le choc et l'inquiétude à Boucan-Canotte. Témoignage de plagiste à suivre après un point sur le dispositif post-attaque. Et dans 15 minutes, Philippe Dornier reçoit le directeur de cabinet du préfet. Autre témoignage poignant, celui du pompier réunionnais blessé lors d'une intervention dans le sud de la France. David Fontaine, c'est son nom, est actuellement toujours en rééducation, 2 semaines après le drame. Le football, le retour du championnat de D1R et de la Saint-Pierroise, toujours leader et toujours aussi intraitable. Sa vie ne serait donc plus en danger. Le bodyboarder de 21 ans, attaqué par un requin samedi à Boucan, est toujours hospitalisé selon le parquet de Saint-Denis. Mais il ne devrait pas succomber à ses blessures. Des blessures graves, on vous le rappelle, un bras sectionné et un pied mordu. Le squale, quant à lui, est toujours recherché dans le cadre du dispositif post-attaque. Mais hier, les conditions météo n'ont pas permis aux pêcheurs du comité régional de pêche de rester en mer. Ils espèrent que ça va se calmer rapidement car l'opération est censée durer 72 heures. Les explications d'Aurélie Constant. C'est la 6e fois en 3 ans que le dispositif post-attaque est mis en place. Samedi, juste après l'attaque du jeune surfeur, un bateau du comité régional des pêches est arrivé à proximité du lieu de l'accident. 3 palangres verticales avec alerte de capture ont été installées à l'extérieur de la zone de baignade. Un dispositif un peu différent des fois précédentes, compte tenu de la forte houle, car l'équipe de pêcheurs partie de la pointe des Galets n'est pas restée en mer et n'a pu accéder à la zone de baignade protégée, là où a eu lieu l'accident. Hier, en début et fin de journée, les appâts ont été changés. Pour le moment, pas de requins pêchés. Le comité régional des pêches espère être plus opérationnel aujourd'hui si la mer est calme. A noter que ce dispositif a été mis en place pour la première fois en juillet 2013 dans la baie de Saint-Paul après l'attaque mortelle de la jeune Sarah. Et c'est une première dans la zone de Boucan-Canotte. Aurélie, Constant et les derniers développements après ce journal avec l'invité de la matinale, Philippe Dornier reçoit Sébastien Audebert, le directeur de cabinet du préfet. Ce sera les requins, ce sera également le thème

En VTT, une centaine de pilotes se sont retrouvés hier sur la piste de la Ravine des Sables pour la sixième manche de descente. Une piste qui avait déjà été étrennée au mois de juin pour l'épreuve du championnat. Mais cette fois-ci, pour la coupe, c'est Alexis Delassus qui a créé la sensation en signant le meilleur temps sur cette piste de 2,5 km entre la chaloupe et le littoral. Son chrono 2 minutes 52 secondes et 21 centièmes. Une double performance pour ce rider de l'association Cycle Passion Réunion. Car il faut dire que les pilotes ont dû composer avec de grosses rafales de vent. En suivant mes copains, j'ai vu 2-3 chutes à cause du vent, donc il y a certains sauts, c'était préférable de ne pas sauter trop haut ou carrément passer à côté. Donc voilà, je me suis appliqué, j'ai fait un super bon run, je pensais pas pouvoir améliorer, mais au final j'ai pédalé un peu plus fort que d'habitude et ça a marché. Bon, là on fait beaucoup mieux que sur les autres manches, j'étais 5-6ème, là on arrive premier. Ben, je suis parti, j'étais à l'encadrement de la sélection de la Réunion en France. Ça m'a permis de rouler, donc progresser encore un peu. Et voilà, je reviens de 3 semaines de vélo en métropole, c'est pour ça que j'ai un peu plus la forme. Alexis Delassus, interrogé par Olivier de la Richaudie. Voilà pour l'édition locale. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale avec la rédaction de France Info. Présentation Anne-Charlotte Costabadi. Bernard Cazeneuve veut un islam de France ancré dans les valeurs de la République. Le ministre de l'Intérieur a détaillé son plan lors d'un entretien accordé au journal La Croix. Il est publié ce matin. Il rencontre aujourd'hui, place Beauvau, des responsables cultuels et des parlementaires autour de cette question. Dans cette interview, Bernard Cazeneuve a également réitéré le refus du gouvernement de légiférer sur le burkini. Prendre des mesures contre le port du maillot de bain intégral serait inconstitutionnel, inefficace et pourrait créer d'irréparables tensions. Cette polémique du burkini est une honte, une farce sans nom pour Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la gauche radicale avec son mouvement La France Insoumise a fait une rentrée politique musclée hier à Toulouse devant 2500 personnes. Pour lui, le véritable enjeu de la présidentielle est le règne de l'argent. Pendant ce temps, François Fillon entre dans la mêlée à 3 mois de la primaire de la droite et du centre. Attaque directe envers Nicolas Sarkozy lors de sa rentrée politique dans son fief de Sablé-sur-Sarthe. Il ne l'a jamais nommé, mais quelques phrases d'accroche. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Ou encore, qui imagine le général de Gaulle mis en examen. Les producteurs appelés à se mobiliser partout en France aujourd'hui après l'échec des négociations sur le prix du lait avec Lactalis. Plusieurs syndicats agricoles espèrent mettre la pression sur le géant de l'agroalimentaire avec des actions comme des manifestations autour de sites de production ou dans les grandes surfaces. Les forces turques et leurs alliés poursuivent leur offensive au nord de la Syrie contre le groupe djihadiste État islamique et les forces kurdes. L'armée turque dit avoir tué 25 terroristes kurdes ou affiliés. 40 civils seraient morts dans les bombardements turcs selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La présidente brésilienne Dilma Rousseff devant le Sénat aujourd'hui, elle devra assurer elle-même sa défense lors de cette dernière phase pour sa procédure de destitution. Elle est accusée d'avoir maquillé les comptes publics pour favoriser sa réélection. Pour la première fois de la saison, le Paris Saint-Germain est tombé. C'était pour la 3e journée de Ligue 1. Les footballeurs parisiens sont tombés sur la pelouse donc de Monaco. 3-1, les Monégasques sont désormais à la 2e place du classement derrière Guingamp. En revanche, Bordeaux s'est imposé face à Nantes 1-0. Match nul pour la rencontre Saint-Étienne-Toulouse 0-0. Plusieurs forfaits pour l'équipe de France de football. Les attaquants Nabil Fekir et Alexandre Lacazette et le milieu de terrain Johan Cabaye sont blessés. Ils devaient participer à un match amical contre l'Italie le 1er septembre et le Bélarus le 6. Début des qualifications pour le Mondial 2018. Déjà 7h11 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Michael, du vent et encore du vent. Oui, ça continue à souffler avec des rafales qui seront bien, bien fortes encore aujourd'hui. 70 à 80 km/h attendus entre l'étang Salé et Saint-Joseph, ainsi qu'entre Saint-Benoît et Saint-Denis. À cela, vous rajoutez une couverture nuageuse et de la grisaille sur l'est et le sud. Une grisaille bien persistante entre Saint-Pierre en passant par Saint-Roch jusqu'à la région de Sainte-Marie avec quelques précipitations passagères. Et là, vous avez un cocktail bien frais, d'hiver. Ce matin, on se réveille avec à peine 1 degré au volcan, 10 degrés au tampon, 16 à 19 degrés sur le littoral. C'est l'après-midi, heureusement, le soleil va faire son affaire. Plus à l'ouest de la possession à Saint-Leu, le temps est donc plus agréable. Températures qui vont monter jusqu'à 26 degrés. Ailleurs, on aura du mal à voir les éclaircies. Hein. Les hauts seront sous les nuages, le volcan, l'intérieur de l'île, les hauteurs de l'ouest avec des débordements possibles vers la région du port. Et puis dans l'est, hein, toujours rien de nouveau. Un temps qui sera bien plombé par les nuages. Température autour de 24-25 degrés sur le littoral, pas beaucoup plus, des fois moins, si les nuages sont bien présents. Et puis sur les hauteurs, comptez pas avec plus de 12 degrés au volcan et 19 au tampon. Sinon, t'as pas une bonne nouvelle, non ? La bonne nouvelle, oui. Là pour aujourd'hui, oui. J'en ai pas, puisque même la mer est forte à très forte, avec une houle qui persiste, des vagues de 3,50 m en moyenne et 7 mètres pour les plus hautes. Bon, j'aurais désolé. Essayé, hein, mais... Ben non. J'en ai pas vraiment. Ben non. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Allez, on rejoint Yves du côté du Brad des Calumets. C'est à vous, Yves. Mais j'ai pas de bonne nouvelle non plus. Allez. Allez. Concernant la route, c'est bien plein pour ce lundi, deuxième lundi après la rentrée. La circulation très difficile et c'est bien bouché, que ce soit sur le littoral ouest de Saint-Gilles à Saint-Paul en passant par le Cap Laousset. Des ralentissements qui démarrent avant le tunnel du Cap Laousset sur la route des Tamarins pour rejoindre Cambay. Une circulation difficile 500 mètres avant l'entrée de la route du littoral et il y a très peu de zones roulantes maintenant. Donc ça c'est quasiment un vrai bouchon continu, donc tout le long de la corniche, pont Vincennes notre bouché, les deux tranchées également, l'entrée est, ça y est, là aussi c'est complètement saturé depuis Sainte-Suzanne jusqu'aux portes de Saint-Denis avec quelques petites zones roulantes et ça roule à petite allure. Donc par contre si le Lancastel roule mieux en direction du bar à chaud actuellement, il n'y a pas encore de ralentissement si vous circulez donc de la sortie du bar à chaud en direction du Butor, donc dans ce sens pour le moment en tout cas. Voilà. Et puis côté fin de route de la 4 voies, donc à Saint-Benoît, ça se passe pas trop mal. Route sèche ici, donc avec une température fraîche, mais à 10 degrés, il y avait un rayon de soleil qui essayait de traverser à travers les nuages. Donc les conditions, c'est route humide sur la partie basse de la plaine des Palmistes et c'est sec que sur la partie haute. Merci Yves. Vous savez quoi ? Oui. Ma chère Isa, eh bien on a annoncé des mauvaises nouvelles, mais nous on veut que vous réveilliez avec du positif. J'ai deux bonnes nouvelles pour vous. Bon, première allez-y. Bonne nouvelle, avant 8h, vous gagnerez vos places de cinéma pour aller voir Agent Presque Secret. Ça c'est chouette. Avec The Rock. Ouais. Ça c'est une bonne nouvelle, comment on fait ? Oui, ben, on poste sa photo sur Facebook de son petit déjeuner tout de suite sur la page Facebook et ensuite vous repartez avec vos invitations pour aller au cinéma. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que l'événement, l'éclipse, ça sera sur Réunion Première Radio, Télévision, Internet. Et c'est à J-3 maintenant. Bon, d'accord, ça va mieux maintenant. De l'événement, ça va mieux ? Voilà. Dans un instant, l'invité Merci de la matinale. Mickaël. À tout de suite. L'éclipse annulaire de soleil du 1er septembre 2016 sera un événement exceptionnel. Elle sera visible à La Réunion de 12h20 à 15h40. Attention, le soleil ne peut être observé directement qu'en utilisant des filtres spécialement conçus pour protéger les yeux. Le port de lunettes spécifiques constitue un moyen simple et sûr pour observer l'éclipse. Ces lunettes sont des équipements de protection individuelle et doivent être conformes aux dispositions prévues par les directives européennes et porter le marquage CE de conformité. J'ai toujours vu mes parents donner leur sang, sans vraiment savoir à quoi ça servait. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris que ça sauve des vies. Alors je donne, plusieurs fois par an. Parce qu'après tout, on peut tous en avoir besoin un jour. Je donne mon sang, je sauve des vies. Pour savoir où donner votre sang, rendez-vous sur le site de l'Établissement français du sang. Citoyens des Outre-mer, vous avez la parole. Le projet de loi Égalité réelle ne se fera pas sans vous. Une consultation participative est lancée. Objectif ? Vous permettre de prendre part à une démarche qui va engager l'ensemble des Outre-mer pour les 20 prochaines années. Qu'est-ce que l'égalité réelle ? Quelles actions peuvent y contribuer ? Quelles sont vos idées ? Jusqu'au 9 septembre, rendez-vous sur égalité-réelle-outre-mer.fr. Parlez-en autour de vous et ensemble, construisons l'avenir des Outre-mer. Le Pandathlon, c'est une marche pour la Réunion, pour la planète, organisée par le WWF France et la région Réunion. Le Pandathlon, c'est allier sport, convivialité et le respect de la nature. Alors, allons marcher ensemble pour préserver notre patrimoine naturel. En tant qu'ambassadrice de la nature réunionnaise, je soutiens cet événement qui participe à promouvoir les beautés de mon île. Marche dans notre Gaïa nature, c'est une chance. Alors nous comptons sur bien autant paquet en pundiak en quantité pour le Pandathlon. Mais attends les autres. Dimanche 11 septembre, participez au Pandathlon 2016 à Bras-Panon. Inscrivez-vous jusqu'au 3 septembre sur www.regionreunion.com. Je marche pour la Réunion, je marche pour la planète. Première. Première. 7h17, c'est l'heure de l'invité de Grand Matin. Vous nous suivez aussi sur internet réunion.lapremière.fr. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Avec vous, Sébastien Audebert, le directeur de cabinet du préfet, c'est votre invité ce matin. Sébastien Audebert, bonjour. Bonjour. On sait que le pronostic vital du surfeur attaqué par un requin samedi à Boucan-Canotte n'est plus engagé. Est-ce que vous avez des nouvelles plus précises ce matin? Écoutez, je sais qu'il est toujours hospitalisé, que son état est stable, donc son pronostic vital n'étant plus engagé, c'est une nouvelle rassurante. Nous sommes tous sous le choc. Je tiens d'abord à exprimer bien évidemment une certaine tristesse par rapport à ce qui s'est passé. C'est, comme à chaque fois, malheureusement, c'est un drame. Donc le fait qu'il soit visiblement hors de danger en ce qui concerne son pronostic vital est une nouvelle qui nous rassure tous. Hors de danger, mais handicapé à vie, avec quelles séquelles au juste? Il semble qu'il ait perdu deux membres, donc à savoir un bras et un pied. Donc effectivement, toute sa vie, il aura les séquelles de cet accident. Et le maître-nageur qui s'est blessé lors du sauvetage, comment va-t-il lui? Donc le maître-nageur a également été pris en charge, et là également je tiens à saluer le courage dont il a fait preuve. C'est pas la première fois qu'il intervenait sur un drame de cette nature-là. C'est en fait la forte houle, qui était de 2 mètres à 2 mètres 50, qui a entraîné une chute. Donc il semblerait qu'il ait eu une fracture du tibia. Donc lui aussi est encore hospitalisé. Il va mieux, mais là aussi il va mettre du temps à s'en remettre. Mais là encore, je lui adresse au nom du préfet toutes nos félicitations pour cet acte vraiment de courage. Ce drame, est-ce qu'il vous fait douter de la pertinence des différents dispositifs mis en place face à la crise requin? Écoutez, quand il y a un drame de cette nature, c'est toujours un choc pour tout le monde. C'est une évidence, c'est un drame humain. Donc face à ça, on ne peut que malheureusement être dans l'empathie. En ce qui concerne le cap qui a été fixé dans le cadre du plan donc, de prévention du risque requin, il faut le maintenir. C'est une évidence. Ce qui s'est passé samedi nous montre bien que lorsque les filets ne sont pas opérationnels, il ne faut pas se baigner. Nous devons gérer un risque requin. Il existe, il ne disparaîtra pas. On le gère de plusieurs manières. Il y a plusieurs barrières qui sont mises en place. Les filets en sont une. Mais le filet était resté en position active, si on peut dire, alors qu'il y avait un trou dedans. Est-ce qu'il aurait fallu le baisser? Alors, le filet n'était pas actif tous les matins, avant l'ouverture des activités de baignade, des activités nautiques. Il y a une inspection du filet. Samedi matin, l'inspection a montré que le filet n'était pas opérationnel, puisqu'un trou était apparu du fait de la forte houle. Donc immédiatement, la nouvelle a été passée au maître-nageur sauveteur. Et ils ont mis en place la flamme rouge, donc qui indique que la baignade et les activités nautiques sont interdites. Donc, on ne pouvait pas le baisser immédiatement, pour des raisons simplement pratiques. Mais le risque, lui, c'est le ça, drapeau... C'était technique, on ne pouvait pas le baisser. Le drapeau prime sur le filet. Parce que samedi, à cause de la houle, le filet anti-requin était baissé aux Roches Noires, et pas celui de Boucan à quelques kilomètres de là, alors qu'il était pourtant déchiré, je le rappelle. Est-ce qu'il faut prendre la même décision pour les deux sites, pour clarifier les choses? La nature de la houle n'était pas la même sur les deux sites. Aux Roches Noires, nous avions une houle qui était de plus de 4 mètres, donc ce qui a justifié un arrêté municipal et l'abaissement des filets. C'était différent donc à Boucan-Canotte, où la houle était moindre. Mais c'est vraiment l'inspection du matin, qui est une inspection donc quotidienne, qui a montré que les filets n'étaient pas opérationnels. Et ensuite, la nouvelle étant passée, les maîtres-nageurs ont informé, vous le savez, toute la journée, pour bien dire, ne pas aller en mer, parce qu'il y avait un risque. Alors, vous l'avez rappelé, Sébastien Audebert, je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du préfet. Le danger était clairement signalé. Les MNS multipliaient les sommations depuis le matin, pour que les surfeurs sortent de l'eau. Les gendarmes aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Écoutez, les gendarmes, aujourd'hui, interviennent très régulièrement. Beaucoup de gens soulèvent la question de la verbalisation. Depuis le début de l'année, il y a une cinquantaine de verbalisations qui ont été faites. Il y a aussi tout un travail de prévention qui est fait. La brigade nautique va en mer, parfois au contact des surfeurs, pour les informer, pour ceux qui prennent des risques. Sur la plage, les maîtres-nageurs, les gendarmes passent des informations. Avec quelles consignes pour ces gendarmes? Juste rappeler le danger ou aussi verbaliser si besoin? Eh bien, lorsque les gens sont en mer, bien évidemment, la contravention de première classe de 38 euros qui s'applique va l'être lorsque les conditions le permettent. On ne va pas demander aux gendarmes d'aller en mer récupérer des personnes et de prendre des risques eux également. C'est là aussi, nous sommes face à une contravention, non pas face à un délit. Les gens qui vont en mer, malgré eux, ne sont pas des délinquants, ce sont des contrevenants. Donc il n'y a pas de pouvoir de coercition. Et l'enjeu essentiel, c'est vraiment la responsabilité de tout un chacun. On doit gérer aujourd'hui un risque requin. Ce risque, il existe. On ne pourra pas le rendre risque zéro, ça n'est pas possible. Donc il faut vraiment que chacun ait bien conscience que ce risque est toujours là. Ça n'est pas parce que depuis quelques mois nous avons installé des filets que le risque a disparu. Lorsque ces filets sont opérationnels, le drapeau est vert et on peut pratiquer cette activité. Lorsqu'ils ne le sont pas, il ne faut pas aller en mer parce que le risque requin à La Réunion, il existe. C'est quoi la solution ? C'est que le chef de poste MNS soit assermenté, comme le souhaite l'élu au sport de la ville de Saint-Paul, Thierry Martineau, qui le dit dans les colonnes du Quotidien ce matin, ou bien redonner au maître nageur sauveteur le statut de CRS, comme il y a quelques années. Est-ce que ça, c'est une autre solution ? Certains la réclament. Des solutions, il y en a sans doute des possibles. Là aussi, il y a des évolutions. On est dans le cadre d'un programme qui est un programme d'expérimentation. Donc il y a beaucoup de choses qui sont encore ouvertes à discuter, des expérimentations qui peuvent se mettre en place aussi sur d'autres sites. Donc on continue à travailler là-dessus. Une piste de réflexion, c'est aussi pourquoi pas d'équiper nos gendarmes éventuellement avec des jet skis pour intervenir en mer. C'est une possibilité, c'est une piste ouverte. Nous n'avons pas décidé. Là aussi, il faut construire une doctrine très précise. Nous avons aussi la police municipale, bien évidemment, j'ai oublié de le dire, mais qui intervient, et la mairie de Saint-Paul qui, là aussi, a pris toutes les mesures qu'il fallait samedi, y compris d'ailleurs après en termes de secours, après le drame. Donc, plusieurs pistes sont ouvertes, il faut les poser sur la table. La question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on peut obliger les jeunes à sortir de l'eau, et par quels moyens, finalement ? Écoutez, je pense que aller les chercher en mer, c'est compliqué, c'est difficile, ça pourrait faire un risque supplémentaire. C'est vraiment la responsabilité individuelle de chacun. Le risque requin, je le répète, il existe. Nous avons mis en place tout un ensemble de mesures, tout un ensemble de lignes pour le réduire. Nous avons les filets, on parle des filets. Parlons aussi des programmes de pêche, le programme Cap Requin 2. Parlons aussi, pour ce qui est d'activité sportive et de surf, des vigies. Parlons également de tout les stations d'écoute qui sont mises en mer, de tout le programme scientifique qui est mis en place aussi pour observer les requins, mieux comprendre leur comportement. À La Réunion aujourd'hui, nous sommes sur une expérimentation pilote. L'Afrique du Sud, l'Australie, qui sont des pays qui connaissent ce risque depuis de nombreuses années, regardent de près ce que nous faisons. Donc il y a tout un travail qui est fait, des scientifiques également qui sont impliqués, des associations, l'État, la région, les communes, tout le monde travaille autour de la table et c'est pour ça que vous me posez la question du cap, il faut maintenir ce cap. On est parti d'une situation à La Réunion qui était interdiction de la baignade. Aujourd'hui, nous nous réapproprions l'espace maritime, c'est important, il faut continuer. Nous avons créé un climat de confiance entre les partenaires. C'est important de maintenir aussi ce climat. Vous allez continuer à travailler avec les mêmes partenaires ? Bien évidemment, nous continuons. Je vous pose la question, parce que le programme Cap Requin déchaîne les passions, on le sait, dénoncé par des associations environnementales pour qui ça appâterait davantage de requins et ça les attirerait près des côtes, des opposants qui parlent d'un programme d'apprentis sorciers. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, ce programme suscite des polémiques, ça je le sais. En face de Boucan-Canotte, en l'occurrence, il n'y avait pas de palangre. C'est un premier point. Deuxième point, bien évidemment, nous faisons des captures qui sont des captures ciblées, qui concernent les requins dangereux pour l'homme, les requins bulldogs, les requins tigres, les captures accessoires. Dès que c'est possible, bien évidemment, les espèces sont relâchées. Donc ce programme, c'est là aussi une expérimentation. C'est dans un tout, j'expliquais, il y a plusieurs mesures, il y a plusieurs niveaux de protection, ça fait partie d'un programme, ça fait partie d'un tout. Et là aussi, dans le cadre de l'expérimentation, il y a bien évidemment des choses encore à discuter, mais pour l'instant, ce programme est une défense supplémentaire, un élément supplémentaire pour permettre la diminution du risque. Le dispositif post-attaque a été lancé aussitôt après cette attaque, une traque du requin qui a attaqué le surfeur. Quel résultat pour le moment ? Et puis, est-ce que c'est possible finalement que ce squale soit resté prisonnier entre la plage et le filet ? Bah écoutez, le programme, donc le protocole qui a été mis en place, c'est un classique, donc c'est une riposte, c'est-à-dire que des palangres sont largués donc, par le comité régional des pêches. À l'heure actuelle, ça n'a pas, y a pas eu de capture particulière. Est-ce que le requin est encore à l'intérieur des filets ? On peut le savoir, c'est difficile à dire. Pour l'instant, il n'a pas été observé. Avec un drone, peut-être ? Pour l'instant, il n'a pas été observé. D'accord, il n'a pas été observé. Il y a un risque de conséquences négatives, évidemment, pour le tourisme. Quel accompagnement est prévu ? Mais écoutez, en termes de communication sur ce sujet-là, bien évidemment, c'est un drame humain. Mais je le répète, on maintient le cap. Nous avons un programme qui est en place, un programme expérimental qui est observé à l'étranger, des choses qui fonctionnent mieux. Ça faisait 13 mois qu'il n'y avait pas eu d'attaque de requin à La Réunion. C'est la période la plus longue depuis le début de cette difficulté en 2011. Donc, ça n'est pas parfait. On ne peut pas avoir de risque zéro. Il faut que chacun en ait conscience. Il n'y a pas lieu aujourd'hui de déserter les plages de La Réunion. Combien de temps elles vont rester interdites à la baignade, les plages de Saint-Paul ? Est-ce que cette interdiction peut être définitive ? Écoutez, il faut simplement regarder les conditions météorologiques, voir bien évidemment l'opérationnalité des filets et le protocole qui existe aujourd'hui n'est pas remis en cause. Dès que le filet sera réparé, dès que la houle sera passée, le filet va être remis en place et on repart ? le filet sera remis en place et il sera, la réglementation sera appliquée dans le cadre de l'arrêté préfectoral du mois de février 2016. Est-ce que la psychose risque pas de repartir de plus belle? Comment éviter d'en arriver là? Il n'y a pas lieu de parler de psychose. Je vous dis, aujourd'hui, il y a un risque. Le risque, il est connu de tous. Maintenant, la responsabilité de chacun, c'est d'appliquer la réglementation, de prendre en compte le fait que ce risque existant, lorsque la baignade est sécurisée, ce qui est une nouveauté, ce que permet le plan de prévention donc du risque requin, lorsque ce risque n'existe pas parce que les filets sont opérationnels, on peut aller se baigner. Lorsque ça n'est pas le cas, on n'y va pas. Merci d'avoir accepté notre invitation, Sébastien Audebert. Bonne journée. Merci à vous, Philippe Dornier. Sébastien Audebert, directeur de cabinet du préfet. Et les attaques de requins, il en sera question aussi. C'est dans l'actu à 12h15, ce midi, sur Réunion Première Radio avec vous, Philippe Dornier et vos invités. Toutes vos réactions, 0262 99 2000. Et le grand défi de grand matin, ma chère Isa. Mais il va continuer, Mickaël, forcément. Oui, il faut se dépêcher plus qu'une demi-heure pour nous envoyer vos photos de petit-déj à la clé des invitations. Et bien pour faire comme Reynald, qui la semaine dernière a posté sa photo de petit-déjeuner. Il a eu ses places. Et il est reparti avec ses invitations. Donc vous vous dépêchez, une petite photo, le petit-déjeuner, comme vous le prenez tous les matins. Vous n'hésitez pas, 02 62 99 2000. Ça peut être avec les collègues. Ça peut être avec les collègues, ça peut être aussi les administratifs de la préfecture. Qui nous envoie un petit déjeuner comme ça en direct sur la page Facebook Grand Matin, G-R-A-N, apostrophe, matin juste derrière. Voilà. Et en même temps, vous likez la page Facebook. Voilà. Et ça nous fera plaisir. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous dépêchez une demi-heure et ensuite avant 8h. Eh bien, on appelle le ou la gagnante. 7h30, ça sera Cécile Thomas pour l'actualité. Puis d'ici là, c'est Yves qui nous fait un point info trafic comme tous les quarts d'heure. Yves qui est à Bourg-Murat. Bourg-Murat, c'est pas chaud à Bourg-Murat, hein, donc 7 degrés, mais il y a du soleil et ça c'est la bonne nouvelle. Le beau temps est un petit peu revenu, hein, donc le piton des neiges est même visible depuis ses hauteurs. Pas au niveau des sources Rayac, donc après le col de Bellevue, mais ici depuis Bourg-Murat, oui. Et donc c'est dégagé en regardant vers l'ouest. La circulation se fait donc avec des conditions de circulation qui sont plutôt bonnes, hein, donc ce matin sur ces plaines, au niveau donc de l'état de la route surtout. Mais par contre les bouchons, donc très très importants. Je rappelle donc avec peu de changements, ça descend à peu près correctement à la descente du tampon, même s'il y a un gros trafic pour la sortie des casernes actuellement, en arrivant de Petite-Île également. Circulation difficile depuis les rampes de Madapani, soyez excessivement patient là-bas aussi avec les nombreux tracteurs et puis les difficultés à l'entrée du tunnel du Cap là où c'est pas de changement, le littoral en bas c'est bloqué, la route du littoral ça commence juste avant les ravines des Lataniers, quasiment au niveau de la mairie de la possession et donc avec de gros bouchons sur l'ensemble de l'itinéraire, pont Vincennes des tranchées c'est bloqué également et puis une entrée est avec une petite zone roulante entre Gillot et la sortie du stade Jean-Yves Houla, mais c'est la seule zone de libérer donc en provenance de l'Est. Donc soyez excessivement patients ce matin. Attention aux purges également qui reprendront au niveau des rampes de Basse-Vallée. Et vous l'avez entendu, c'est très compliqué ce matin sur le réseau routier. 7h30 sur la première. Le journal de la rédaction, Cécile Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Irez-vous vous baigner à Boucan deux jours après l'attaque de squale? Les filets rassurent-ils toujours autant? Samedi, la baignade était interdite car les filets sont troués, constat fait lors de l'inspection faite par les maîtres nageurs sauveteurs. Le drapeau était rouge. Quand il repassera au vert, irez-vous dans l'eau? Certains se demandent si ces protections sont suffisantes. Nous l'entendrons. De son côté, Thierry Robert accuse la réserve marine. Il souhaite que la pêche préventive de requins soit effective et que les limites de la réserve soit redéfinie. Nouvelle session d'assises à partir d'aujourd'hui. Les audiences dureront 3 semaines. 10 affaires seront examinées, dont 8 affaires de viol. En foot, c'est qui les plus forts? C'est pas les verts, c'est les noirs et blancs. La GSSP continue de survoler le championnat. Victoire face au Saint-Denis FC 3-0 ce week-end. On y revient à la fin de ce journal. 8 mois sans nuages à Boucan-Canot jusqu'à samedi. Malgré les filets anti-requins, un bodyboarder a été attaqué et gravement blessé. La baignade était interdite sur le site, habituellement protégé, car l'inspection des filets le matin avait montré une faille, un trou de 2 mètres sur 3, un espace suffisant pour qu'un squale passe dans l'espace de baignade. Et c'est ce qui s'est produit. Le jeune surfeur de 21 ans a été amputé du bras droit et d'une partie de la jambe droite. Après une période critique, il est, semble-t-il, hors de danger. Après ce drame, faut-il remettre remettre les filets en cause. Non, dit le préfet Dominique Saurin, qui appelle au respect des interdictions. Mais certains s'interrogent sur le dispositif retenu. Reportage Christelle Fauricourt. En plus de deux décennies, l'Afrique du Sud aurait divisé le risque requin par 20 avec son dispositif de filet, selon Jean-François Nativel de l'association Prévention Réunion. Même s'il ne remet pas en cause la responsabilité humaine, il s'interroge sur le dispositif local. Nous sommes dans le périmètre d'une réserve marine. Ça a été très compliqué pour installer des filets. On a exigé que ce soit des filets qui ne touchent pas à l'environnement, donc ce sont des filets non maillants. Mais en Afrique du Sud, ce sont des filets maillants qui tuent environ 500 requins chaque année. Et on peut se dire aussi que le fait d'avoir quelques prédateurs morts dans le secteur, ça constitue une pression territoriale qui fait que ça les maintient un petit peu à distance. Des doutes que Patrick Flores, adjoint au maire de Saint-Paul, chargé de la crise requin, veut écarter. C'est pas la faute des filets, les drapeaux rouges priment sur les filets, il faut quand même le comprendre. Il faut commencer à accepter ce principe. Ça prouve paradoxalement que quand ils sont opérationnels, ça marche. Le jour où ces drapeaux rouges et qu'il y a un trou, on a une attaque. Un trou de 2,50 m sur les 610 mètres de filet déployé à Boucan et dans lequel se serait engouffré le squale. Pour Thierry Gazot, pêcheur professionnel, ce ne serait pas l'unique scénario possible. On avait une bouffée d'oxygène grâce à ces filets et là, ça chamboule tout. Là, il faut essayer de comprendre comment il est passé, ce requin. Est-ce qu'il est passé par un mouvement de houle au-dessus du filet, ce qui est fort probable, ou par le petit trou. Quoi qu'il en soit, tant que les conditions météo ne seront pas optimales et que le filet n'aura pas été réparé, la flamme restera rouge à Boucan-Canotte. Christelle Fauricourt, Dominique Saurin a lancé la recherche de squale post-attaque. Des pêcheurs ont tenté de retrouver le requin, mais en vain. Hier matin, visite de terrain pour Thierry Robert et le nouveau sous-préfet de Saint-Paul, Frédéric Carr. Ils se sont rendus dans différents postes MNS de l'Ouest. Le député souhaite que soit revu le périmètre de la réserve marine et que les pêches préventives soient intensifiées. Thierry Robert relance le débat, on l'écoute. Dans les zones de baignade, comme ici ou comme à Saint-Leu, dans certains secteurs, il faut revoir le périmètre de la réserve marine. Je pense que c'est une vraie nécessité. Il faut revoir ce périmètre, surtout pas enlever la réserve marine. Il ne s'agit pas d'enlever la réserve marine parce que je pense que c'est important. Il y a vraiment, dans certains cas, du braconnage et on a besoin de préserver notre environnement, la qualité, la beauté de nos fonds marins. Mais peut-être pas dans les lieux là où il y a la pratique des sports nautiques. Donc d'abord, échanger avec le sous-préfet et le préfet pour qu'on puisse être sur la même longueur d'onde et pour qu'on puisse tirer ensuite dans le même sens. Parce que s'il y a des avis divergents, ça ne pourra pas marcher. Thierry Robert au micro d'Aurélie Constant. Dès midi et quart, Philippe Dornier vous donne la parole sur Réunion Première. Les attaques de requins, un éternel recommencement. Ce sera le thème de C'est dans l'actu. Pour répondre à vos questions, Jean-François Nativel, président de l'association Océan Prévention Réunion, Jean-Bernard Galvez, porte-parole du collectif de protection des requins et Arnold Jacou, psychosociologue, auteur d'un rapport sur la crise requin. 7h35 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. Débute aujourd'hui aux Assises une nouvelle session, elle durera 3 semaines. 10 affaires seront jugées, parmi lesquelles 8 dossiers de viol. À partir d'aujourd'hui, c'est un homme d'une trentaine d'années qui comparaîtra. Il est poursuivi pour le viol de sa femme, mais aussi de sa petite-fille et de sa nièce Nadine Bachelot. C'était en 2014, à l'étang Salé. Ce père de famille aurait abusé de sa femme à plusieurs reprises, alors qu'elle dormait sous l'effet des médicaments. Des faits qui auraient amené des révélations sur des attouchements sexuels sur la nièce et sur sa propre fille de 4 ans. L'accusé réfute complètement ces accusations. Le deuxième dossier qui va attirer notre attention la semaine prochaine est celui d'un viol sur une fillette de 11 ans par un quinquagénaire. L'homme qui hébergeait la victime et sa mère aurait séquestré l'enfant tout un week-end pour commettre son forfait. La cour devra ensuite examiner un dossier qui revient en appel. L'homme a été acquitté l'année dernière pour viol, mais condamné à 3 ans d'emprisonnement pour les agressions sexuelles sur sa belle-fille alors qu'elle n'avait que 13 ans. C'est le parquet qui a décidé de faire appel du verdict. La session se terminera par une affaire de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En l'occurrence, la victime étant le père du mis en cause. Jean-Alex devra également s'expliquer sur les violences aggravées sur sa belle-mère et un ami de la famille. Nadine Bachelot. En bref, le SAIPER et la CFTC ont déposé des préavis de grève pour jeudi, jour de l'éclipse annulaire du soleil. Les deux syndicats enseignants déplorent le manque d'encadrement des enfants par les mairies. L'éclipse se déroulera durant la pause de midi. Les élèves ne seront plus sous la responsabilité des enseignants, des professeurs qui renvoient la balle vers le rectorat, qu'ils accusent d'avoir voulu organiser l'événement sans garantir la sécurité des petits. À Mayotte, du changement attendu à l'aéroport, le groupe SNC-Lavalin s'apprête à vendre sa filiale française, très présente dans la gestion de 16 aéroports régionaux. La nouvelle est parue dans plusieurs journaux. Le géant québécois poursuit le recentrage de ses activités d'ingénierie et de construction. L'aéroport de Mayotte est concerné puisque la société avait obtenu une délégation de service public de 15 ans. Andre, raconte-toi. Les activités françaises de SNC-Lavalin, qui emploie 1100 personnes, ne répondent plus totalement à la stratégie d'affaires du groupe, indique un document cité par le journal canadien La Presse. La multinationale a récemment reçu une offre de reprise par la société Impact Holding et du fonds d'investissement Cyclades. Le processus de vente serait bien engagé, même si le montant de l'offre n'a pas été révélé, ni une date arrêtée pour une éventuelle finalisation. Selon le journal économique Le Moniteur, la société SNC-Lavalin a entrepris une vaste réorganisation depuis une série d'affaires judiciaires au Canada et dans le monde. La multiplication des scandales avait poussé en 2013 la Banque mondiale à interdire Lavalin de participer à ses appels d'offres pour 10 ans. À Mayotte, depuis l'obtention de la DSP en 2011, Lavalin a recruté 57 collaborateurs, construit et livré la nouvelle aérogare de 7 500 m² en 2013 pour un coût de 50 millions d'euros. Andre Racoutandravol de Mayotte Première. Du sport avec du football, fini la trêve, elle a duré 2 mois. Le championnat de D1R a repris ce week-end avec la 9e journée. Parmi les résultats à retenir, le nul de la Saint-Pauloise face à la Petite-Île, 1-1. La Saint-Louisienne a surpris la Jeanne d'Arc et s'impose 3-1. Au stade Michel Volnay, Saint-Pierre s'est ressaisi. La JSSP a balayé hier le Saint-Denis FC, 3-0. C'est le capitaine Quentin Bouesseau qui a ouvert le score à la 9e minute de jeu, on l'écoute. On savait que Saint-Denis c'était vraiment une bonne équipe avec des bons joueurs. Ils ont tous connu l'ADN de toute façon, même si c'était impromu. Donc il fallait être très attentif à ce match-là, tout donner pour que ça soit un match assez serré, quoi. Donc on a su répondre présent d'entrée de match, quoi. On a su être efficace quand il fallait l'être. Et en deuxième mi-temps, on a enfoncé le clou. C'est ce qu'on avait à cœur. Parce que bon, à 1-0, on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Ou... En plus, il y a un peu de vent. Des fois, le football, ça se joue sur des détails, quoi. Mais non, on a enfoncé le clou. Et puis après, bon, vu la qualité qu'il y a dans cette équipe, l'état d'esprit, si vraiment on tient comme ça jusqu'au bout, on peut faire quelque chose. Mais la saison est encore longue. J'ai toujours dit que l'ennemi, c'était nous-mêmes. Donc après, à nous de faire la différence. Quentin Bouesseau, capitaine de la JSSP, interrogé par Olivier Delaréchaudy à l'issue de la 9e journée. Voici le classement provisoire. La JSSP invaincue reste logiquement en tête, suivie de l'Excelsior et de la Sainte-Marienne. Encore un petit mot de VTT. La 6e manche de descente a réuni hier une centaine de pilotes sur la piste de la Ravine des Sables. Une piste déjà utilisée au mois de juin pour l'épreuve du championnat. Et c'est Alexis Delassu qui signe le meilleur temps. Il a réalisé la descente de 2,5 km en 2 minutes 52,20. 21, très très rapide et à 2 secondes juste derrière, on retrouve le leader du classement provisoire, Jean-Max Laurestan. Vous savez tout. Merci Cécile. Et puis en sortant, on prendra un petit cours de malgache avec Jackie Revel. Vous êtes dans le zapping, ça y est. Ça c'est sûr. J'ai mérité. Coteau. J'ai mérité, d'accord. À demain Cécile. À demain. 7h40 sur la première. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaëlaboudou.com. Ça s'arrange pas non plus. Hein. Oui, la grippe, là, c'est pire en pire. Bon, en plus, avec le temps, ça va pas être fameux. Oh, bah oui, tu parles du vent, de la houle et de la fraîcheur, évidemment. Et en plus, il fait gris, parfois pluvieux dans l'est, le sud et le nord. Plus ensoleillé en allant vers l'ouest, enfin quelques éclaircies. Cet après-midi, ça ne s'arrange pas vraiment. Le temps devient plus nuageux sur les hauteurs, dans les cirques, sur le relief, le volcan. Et puis, globalement, l'est restera sous les nuages. Ailleurs, sur le littoral nord, ouest et sud, on pourrait voir parfois quelques éclaircies. Mais n'attendrez pas non plus quelque chose de mirobolant avec des averses qui tomberont encore. Sur les hauteurs et dans l'est. Le vent souffle 70-80 km/h entre l'Étang-Salé et Saint-Joseph et entre Saint-Benoît et Saint-Denis. Température fraîche ce matin. 1-10 degrés, pas plus. Sur les hauteurs, 10 degrés au tampon si vous réveillez en ce moment. Au tampon ou si vous sortez, 16 à 19 sur le littoral. 19 notamment à Sainte-Suzanne. Il y a des nuages, donc forcément c'est un petit peu plus doux. 23 à 25 cet après-midi attendu. Et 12 à 18 sur les hauteurs. 18 au tampon, 24 degrés à Saint-Pierre. Bref, il va falloir faire... avec encore ce temps hivernal aujourd'hui. Oui. La météo vous est offerte par la compagnie Ismaël Aboudou. Cours de danse, chant, théâtre. www.ismaelaboudou.com. Nouveau point trafic avec vous, Yves. Oui, Isabelle, dans la grande fraîcheur, heureusement qu'il y a le soleil, hein, donc, parce qu'on ressent cette petite brise. Donc la petite brise, à vue l'altitude, ça fait tout de suite très grand froid, donc 8 degrés, mais en ressenti, ça doit être encore moins. Donc la circulation avec route sèche ici est sans trop de difficultés. Enfin, en tout cas, ça se passe plutôt bien sur cette partie des Hauts de l'île. Vous avez toujours cette possibilité de faire donc un Saint-Pierre-Saint-Denis en passant par l'est, surtout à cette heure-ci, parce que les embouteillages côté ouest, ils sont loin d'être libérés. Les bouchons sont toujours sous le tunnel, alors maintenant sous le tunnel du Cap Laoussé, ça coince sur le littoral de Saint-Gilles jusqu'à Saint-Paul en passant par le Cap Laoussé, quelques petites zones roulantes bien sûr. Sur la route du littoral, c'est toujours à l'entrée de la corniche, donc là ça s'est rapproché de la ravine de la Fleur, avec un pont Vincennes et des tranchées qui sont toujours difficiles. Le Lancastel pour aller vers l'est, pour le moment c'est encore roulant, et puis une entrée est qui reste difficile, mais après Sainte-Suzanne, puisque au niveau de la marine le trafic se fait à allure normale maintenant, les bouchons sont un peu plus hauts entre le plateau de Chassagne, la ravine des Chèvres et puis l'arrivée sur Saint-Denis. Il y a quelques petites zones roulantes pour passer de Gilot à la sortie de la rivière Saint-Denis, donc pour aller rejoindre le Chaudron. Donc voilà pour l'essentiel, que soyez patients, la descente du tampon toujours à l'abri en tout cas des difficultés au niveau de Mont-Caprice pour le moment, en tout cas une circulation qui reste difficile au niveau des échangeurs et des bretelles de Saint-Pierre. Bonne route avec la première. Prudence. Rendez-vous avant 8h, Yves. Dernier point tout à l'heure, et puis ensuite on vous retrouvera entre 8h et 9h. Moi, c'est vrai qu'entre la Possession et Saint-Pierre, y compris sur les hauts, c'est bien mieux que de l'autre côté de l'île. Aujourd'hui, mais enfin, on a quand même la fraîcheur et le vent. Donc, comme quoi, il n'y a pas de jaloux aujourd'hui. Ben qu'est-ce qu'on fera avant 8h? Avant 8h, le zapping, justement. Exactement. On en parlait tout à l'heure avec Cécile Thomas, qui sera certainement demain. Il y aura Connect Première, oui. Aussi, votre rubrique du web, avec Pascal Rizeau. Et puis avant 8h, surtout, ben, on y a vous des fera cadeaux, gagner hein. Vos cadeaux, vos places de cinéma, notamment. Il vous reste encore quelques petites minutes pour poster votre photo de petit déjeuner sur notre page Facebook, notre page Grand Matin, et repartir ensuite avec vos invitations pour aller au cinéma voir ce film avec The Rock. Ouais, Dwayne Johnson, ouais. Dans... Agent presque secret. Voilà. Eh oui, on aurait un pu bon envoyer film, James Bond, mais on a envoyé The Rock. C'est pas ça. Tout à fait la même chose. Acteur le mieux payé de l'année. Hein. Oui. Très bankable aussi, Dwayne Johnson. Vous pouvez aller le voir au cinéma. Il suffit tout simplement de poster votre photo. C'est ça. Comme l'a fait d'ailleurs notre auditeur qui nous a envoyé la petite photo du cinéma. La semaine dernière, Reynald. La semaine dernière, Reynald. Il a été voir ce film et il précise que c'était hachement bien. Petite photo sur la page Grand Matin, GRAN apostrophe matin. Oui. Vous likez en même temps la page et vous postez la photo du petit déjeuner que vous voulez, même si vous l'avez déjà pris. Pourquoi pas prendre une pomme qui traîne ou un yaourt par-ci par-là. Bref, vous nous postez votre photo et vous gagnez vos places au cinéma. Juste, il faut que ce soit une vraie photo parce qu'il y en a qui piquent des photos sur internet. Ouais. Mais on connaît ça, que on c'est pas courant. Vrai. Hein. On a l'œil quand même. On a l'œil. Bon, bah, d'ici là, c'est Alex Sorès qui arrive dans Grand Matin. Bon réveil si vous vous réveillez tout juste. Bonne route à tous. Et sinon, bonne journée. Couvert de sur le velcro, escro. Alors le nom qu'on donne au cerveau. Et puis, Togo avec Saint-Jean, c'est mon ghetto. Non, ici n'a pas cassé les cuits. Mi vie avec mon temps, écoute CD, mi fait un biscuit. L'avenir, mon pays piégé en F3. Rien n'est impossible si ma vie roule en haut. La face pour maman et la vitre, c'est bonhomme. N'a ça qui rôde l'ombrage et ça que la pape y affronte. La race, les coques nénas, l'amour nous crie pas ses banques. Mais là, nous c'est papa, nous crase tout, nous ramasse pif ou après. Arrive un jour, nous va gagner, sort dans Babylone. Fais tourner son là dans nos radios, ça fait la folie résonne. Les gars, les highways, et n'a plus whiné, que continue à aller. On a levé, frappé, sac n'a pas main, soleil va craser, va couiller. On a levé, full fire dans le chemin, gars, y'en a brassé, en pouillé. On a levé. Sans le vent les dents, dans petit coton des coffres mon quasiment. Dans petit un zier comme dans ton malisé, puis gâte côté avec un peu de macro, il veut couper de quota. faire le beau, mi wa crasser. Si t'as pas d'un bon, on aura demain pour trapper. N'a box, n'a boogie prod, n'a le bon pour le monde, faut trapper en pourrier tout. C'est pas la renommée qui fait l'homme, mais la somme de ses efforts. Nos vies sont faites de plein de défauts, de plus d'un poids sur nos épaules. C'est pas la façon dont tu tombes, mais celle dont tu te relèves qui compte. Qu'importe ce que disent les autres, si les haters sont des petits cons, c'est pas la peine de rechercher sur quel mec repousser ses fautes. Y'a rien qui vaut d'avancer sereinement avec ses proches. T'as la réussite dans ton corps, c'est juste à persévérer, je pense. Quel que soit le décor, savoir toujours s'accrocher. Bon, allez, bé, frapper, sac n'a pas moins. Soleil va craser, va conyer. Bon, allez, bé, full fire dans le chemin. Gaïana brassé en pointier, on a levé. 99, on a levé. Alex Aurès et sa bande n'a levé sur Première dans un instant. C'est connecteront une Première. On va vous parler de Live Stage qui va concurrencer Snapchat. C'est une application qui a été lancée par Facebook il y a quelques jours. Et Facebook compte du coup cibler les jeunes entre 10 et 19 ans. Ah ouais, d'accord. Snapchat. Enfin, entre 13 et 19 ans, parce qu'avant 13 ans, on ne peut pas s'inscrire sur Facebook, c'est vrai. Soit 10 ans. Bien sûr, oui, forcément, d'accord. Il y a toujours des petites astuces que nos marmailles prennent bien. Hein. Qui connaissent bien. Ah oui, ils connaissent bien. Oui, débrouillent ça. Vous êtes dans Grand Matin, bienvenue et bonne journée, à tout de suite. Attention, à compter du jeudi 1er septembre, la Civis change ses modalités de collecte. Les jours et les fréquences de collecte évoluent. Pour vous accompagner, la Civis distribue actuellement un nouveau calendrier de collecte. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.plusbellelaville.re ou appelez le numéro vert au 0800 501 501. Le changement de collecte, n'oubliez pas, c'est à partir du 1er septembre. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir les bons gestes. Tu es étudiant, jeune actif? Tu cherches un stage, une formation, un emploi, une bourse, un logement? Tu veux te faire un réseau? Toutes les réponses à tes questions sont au Campus Outre-mer, le 3 septembre de 10h à 22h, dans le jardin du ministère des Outre-mer à Paris, avec le village, les ateliers, le prix des trois océans et le concert. Samedi 3 septembre, tous au ministère des Outre-mer. Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur www.campusoutremer.org. Première. Pascal Rizzo, bienvenue, c'est Connect Première, 7h48. Connect Première. Bonjour, Facebook, c'est pour les vieux. Ouais, c'est les jeunes qui le disent en tout cas, et ce que remarquent également les équipes de Facebook. Les jeunes boudent Facebook, qui est devenue une plateforme plus familiale que jeune. Il faut dire que les premiers fans du réseau ont maintenant 10 ans de plus. Et comme toutes les générations se sont appropriées Facebook, eh bien les jeunes l'ont fui, notamment pour Snapchat, entre autres. Et c'est alors que Facebook réinventa Facebook. Mark Zuckerberg et ses équipes proposent aujourd'hui Live Stage. Inscription à partir de 12 ans et jusqu'à, tada, 22 ans. Ah oui, puisque c'est bien connu, on est vieux à partir de 22 ans. Et donc toute personne de plus de 22 ans ou qui vient de fêter son 22e anniversaire ne pourra donc voir que son propre profil. Bref, un réseau social conçu pour les étudiants, leur permettant de voir le profil des étudiants de leur école ou de celle des alentours, ça ne vous rappelle rien ? Bien sûr, c'était Facebook, version 1.0, à ses débuts. Donc, en 2004, lorsque le réseau ne servait qu'à connecter les étudiants d'Harvard entre eux, en créant leur profil, d'où le nom d'ailleurs Facebook, livre de visage. Ensuite, Facebook a été ouvert à d'autres universités américaines, puis enfin au monde entier, en 2006. Alors, la nouvelle appli LiveStage est bridée d'une façon assez originale, puisqu'il doit y avoir 20 inscriptions d'étudiants d'une même école pour que ça marche, donc pour ceux qui s'inscrivent. Le profil est créé sous forme d'une vidéo produite à partir de photos qui compilent les centres d'intérêt des utilisateurs. Par contre, pour le moment, pas de chat ou d'autres interactions, le groupe Facebook proposant suffisamment de produits dédiés en la matière. C'est Michael Seman, chef de produit chez Facebook, qui est en charge de LiveStage. Et même s'il ne va pas à la fac, il pourrait bien avoir son compte LiveStage puisqu'il n'a que 19 ans. Belle journée. Et merci à 7h51, Pascal Rizzo reviendra un petit peu plus tard dans la journée pour Connect Première. Et puis, demain, forcément, à la même heure. Alors, vous étiez nombreux à poster aux photos de petit déjeuner encore ce matin. Il y en a qui sont originaux quand alors, même, ce lundi petit matin. Ton petit-déj Lisopaïne a marqué la toile, hein, Lisopaïne miel. C'est nouveau, voilà. Hein, c'est du Isa. En même temps, elle est grippée ce matin. Il faut pas non plus trop là. Trop lui dire que c'est pas bien, quoi. Bah parce que l'isopaille et le miel. Ouais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on est d'accord. T'arrêtes avec la marque, oui. Comment oh, c'est une marque de médicaments, marque, c'est pas grave, on va pas nous en vouloir. Sébastien qui poste quoi? Sa banane. Ah, il a la banane, Sébastien, lui. Ouais. Ah oui. Exactement, on a Nénès qui reste traditionnel avec des petites tartines, du pain de mie, du lait à boire, de la confiture. Attention, ligne fine. Confiture ligne fine. Ligne fine, bon, oui, c'est important. Ligne fine. Avec le rhume, c'est plutôt ligne fine. Bon, du jus d'orange pour Nénès. Florence, des croissants. Oui. Mais pas que des croissants, il y a un macchiato au chocolat. Enfin, il y a des Oreos. Oh, il y a des petites chouquettes. Ouais, c'est mignon. T'as vu les petites chouquettes? C'est mignon. Bon, mais tout ça pour Florence? Ouais, ça fait beaucoup quand même, Flo. Hein. Peut-être que pour les collègues aussi. Mais elle les collègues a l'air d'être ont pas au bureau, voulu... là. Ouais, les collègues n'ont pas voulu se faire photographier. Ouais. Bon, qui on fait gagner ce matin, Isa? C'est la question. On fait plouf plouf. Allez, on fait plouf plouf. Tac, tac, tac, tac, tac. Non. Allez, dis-moi. Non. Ok, c'est qui? Sébastien. C'est Sébastien qui repart avec ses deux places de ciné pour aller voir Agent Presque Secret. Exactement. Avec Dwayne Johnson. Voilà, donc Sébastien, si vous nous écoutez, vous nous envoyez votre numéro de téléphone par Facebook, hein, via les messages privés. Voilà, comme tout ça, on vous rappelle après pour vous expliquer comment récupérer vos places. Et demain, de nouvelles invitations au cinéma à gagner. Évidemment. Il est tout chaud. Qui? Le zapping. Bah c'est normal, OT. Claudio, c'est international chez Claudio, c'est génial. Cosa le big up. Qui donc? Cosa l'égalité réelle. Qui est chaud? Réponse dans le zapping. La paix, la paix, la paix, la paix. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça va. Oui, bonjour, monsieur. Allô, madame. Allez, il est pas là, là. Ton bonhomme pèle, moi, là. Eh oui, pourquoi là? Comme Gatling, une claque dans la tête là. Attends, m'a dit, Adi. Eh, hey, mais en fin de compte, tu réunis au premier, qui est de bon, hein? Je la choisis, ça doit tricher, je le voulais, non? La connaissance créole. En fait, je pense que nous la peut-être perdre la connaissance créole pour gagner une connaissance européenne qui ne sert pas à nous à grand chose dans la société. Peut-être. Big up. Big up. Tout le temps, mais on entend big up, big up, big up, big up. Alors, comment on peut la définir, l'égalité réelle, de façon simple? C'est assez simple, finalement, à condition de se dire en amont qu'il y a des problèmes d'égalité. D'abord. Si on se dit ça, on a déjà avancé. Ouais, d'accord. Par exemple, monsieur Dornier, je ne suis pas très très grande. Vous êtes plus grand que moi. Si on nous demande de toucher le plafond, vous, vous toucherez parce que vous êtes grand, cette table. Moi, je vais monter sur la même table et je ne toucherai pas. Vous voyez? Parce que je suis plus petite. Et pourquoi l'endormi, à chaque pied de bois, il change de couleur? Bon, là, ici, un pied de bois vert, il y a là, il met ici, moi, il est rouge, il monte là, il vient noir. Il y a ça là-bas, il vient gris. Il vient là, il vient bleu. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Éric Abarèche qui prend pour son grade dans le zapping. C'est un peu comme on vous explique en philo qu'en fait, la table que vous voyez, c'est pas vraiment la table, mais elle est constituée d'atomes et vous les voyez pas forcément. Attention, Michel. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a déjà dit? On ne moucate pas. On ne moucate pas. Mais juste un peu. Non. Et en même temps, c'est Jackie. Ah, en mais même je félicite temps, la ça. Qualité professionnelle de Philippe Dornier au passage. Oui. Bonjour, les bonjour, amis. Jackie. Ça va, Jackie? C'était bien haut, doucement, lundi matin. Ouais, doucement, hein, doucement. Pas non plus, trop, hein, bon. Bah, il était la tête dans les étoiles hier soir aussi, entre 18h et 20h, donc c'est dur un peu de s'en remettre. Et donc le lundi matin, c'est la tête. Dans la Coljac. Dans la Coljac. Oui. Voilà, avec Nicolas aujourd'hui qui presse à la demande des jus de fruits et des cocktails tropicaux désaltérants pour faire le plein d'énergie. Mais de l'Ouest, dedans, là, certainement croisé sur la plage ou dans les marchés forains. Il y aura Fredo et Marlène également dans la Coljac. Fredo qui a fait un cauchemar, c'est l'astuce du jour. Comment faire pour se rendormir après un cauchemar et légende urbaine. On parlera de la légende d'Anchin, le fameux piton d'Anchin, en fait, aujourd'hui, dans la Coljac, entre 8h et 10h. Eh ben, on attend ça avec impatience, le temps que Jackie prenne un café. Ben. Et puis ça ira c'était mieux. C'était un message pour te dire va prendre un café, gars. Ben, t'as vu ça un peu écrasé, nous de l'écraser, là. Nous de gueule écrasée. Voici Alan Walker, Felid, sur première. Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive? Where are you now? un petit peu la flemme. Hein. Ouais, mais bon, on va remettre tout ça en place avec Jackie qui va nous réveiller dans un instant. Alan Walker et Zéline. C'était Faded sur Première dans Grand Matin. On vous salue, on vous souhaite une bonne journée. Bisous, la Réunion. À demain. Et à demain. Vous êtes au 14e kilomètre au tampon, Yves. Oui, et il ne fait pas chaud non plus. C'est du soleil ici, heureusement. Donc le trafic est à peu près correct. On est en train de sortir de l'heure de pointe. Hein, donc pour passer notamment le virage giratoire de Brad Ponto et retrouver la direction du 12e et la direction du tampon centre-ville avec un peu de ralentissement donc en se rapprochant du giratoire des Chandelles. Mais la 4 voies donc reste à peu près dégagée jusqu'à Saint-Pierre, en tout cas en dehors des bretelles d'entrée de Saint-Pierre, avec une traversée du boulevard Banque, sans doute à cette heure-ci encore compliquée. La circulation pour la route des Tamarins s'est repassée après le tunnel du Cap Laoussé. C'est toujours bouché sur la route des plages entre Saint-Gilles-Saint-Paul. Les ralentissements se font sur la route du littoral avec un peu moins de difficultés, mais on a gagné seulement 1 km. Donc c'est virage de Ravine à Malheur. Donc encore 10 km avant l'entrée du tunnel du Cap Bernard pour les difficultés. Lancastel par rapport à la semaine dernière, c'est encore à peu près roulant, mais c'est vrai qu'il y a ces embouteillages sur la route du Littoral, hein, donc ceci dit, mais le Lancastel en direction du Butor, ça se passe à peu près correctement. Le pont Vinsat, des tranchées sont toujours bien bloquées, et en provenance de l'Est, attention, des ralentissements surtout depuis la Ravine des Chèvres jusqu'à Saint-Denis. Il pleut sur Saint-Benoît de nouveau ce matin, il y a un peu de ralentissement à la fin de la 4 voies. N'oubliez pas les travaux de purge, c'est prévu toute la semaine, donc soyez patients au niveau des rampes de Basse-Vallée à partir de 8h30 jusqu'à 15h30, des coupures de 45 minutes. Yves Grunier pour l'information routière, il est 8h. Le journal de la rédaction est présenté par Stéphane Enilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Jackie, bonjour à tous. À la une encore ce matin, les suites de l'attaque de requins samedi à Boucan-Canotte. La jeune victime de 21 ans serait désormais hors de danger. Un bodyboarder qui était à l'eau alors que le drapeau rouge était en vigueur. Le directeur du cabinet du préfet, invité de la matinale, évoque plusieurs pistes pour bien faire respecter les réglementations. Un marathon judiciaire aux assises, 10 affaires jugées lors des 3 prochaines semaines, dont 8 affaires de viol. Présentation du procès du jour avec Nadine Bachelot. Le retour du championnat de football de D1R après 2 mois de trêve, on prend les mêmes et on recommence. La Saint-Pierroise, leader incontesté, toujours suivi de l'Excelsior et de la Sainte-Marienne. Mais avant de développer ces titres, plus que 3 jours avant l'éclipse annulaire de soleil. Alors n'oubliez pas d'acheter votre paire de lunettes spéciales avant la rupture de stock. Des lunettes indispensables pour observer le phénomène. Le regarder directement comporte effectivement d'importants risques pour la vue. Mais la date fatidique du 1er septembre approchant, il devient de plus en plus difficile de s'en procurer. Outre les distributions gratuites, elles sont habituellement disponibles, Raphaël Kahn, dans les pharmacies.